Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 92e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yeah. Ouais! Je vais mettre un peu de bol dans mon écouteur. On est un Rétro Nouveau Go de moins, oui. Un de moins. Mario est pas là ce soir, ouais. Pour des raisons gastriques. Purement gastriques. Puis on le salue. Hey, on le salue. Pour vrai, c'est ça? J'ai aucune idée. Oh, non, okay, je sais pas, mais Mario me donne l'impression d'un gars qui a des problèmes, des fois gastriques. C'est ça qu'il y a beaucoup de rapports. Ben, il boit tout le temps des gros cafés. Ouais. Ça, c'est normal, ça fesse ça quelque part. Ben des cafés, puis ben des légumes. Moi, quand je mange ben des légumes, puis je bois ben du café, ben oui. Hey, ça gazouille, mon gars, moi là-dedans. Aussi. Ça n'a aucun sens. Je travaille de la maison, des fois, le midi, je me fais une grosse salade. Mais ouais. Tu sais, abusive, là. Sans joke, une vraie grosse crisse de tabarnak de salade qui a pas d'allure dans un gros plat. Puis ça fait son effet l'après-midi. Ben oui. Tu sais, ça. Bonne ça affaire, travaille. Je travaille pas en agence, là. C'est un avantage d'être travailleur autonome, ça, les amis. Ben, tu peux péter sans arrêt. Tu peux péter dans ton pyjama toute la soirée. Ben, toute la journée. En soirée aussi. Ben, en soirée aussi. Ton One Piece de Link. C'est clair. Fait que, hey, justement, en parlant de Link, J'ai commencé enfin ma collection Game Boy. Ah oui, c'est vrai, t'as commencé ça. J'ai enfin commencé ça, puis je suis super content. Je me suis acheté un Game Boy Color. Mm-hmm. Gracieuseté de Éric Villemer, qui est un ancien chum de jeunesse à moi et Nicolas. Puis Ben c'est moi, ça. Je le vois encore. Toi, ouais, c'est ça, encore, toi, c'est vrai. Moi, je le vois ami. Plus. En tout cas, c'est encore mon ami. Ça va toujours rester mon ami. C'est bien. Mais c'est ça, toujours est-il que moi, je me disais, tu sais, je vais m'acheter un Game Boy, puis je disais ça, puis Dominique n'arrêtait pas de dire, ben non, achète un SP. Puis là, je disais, ben non, je veux l'expérience exacte. Je veux exactement ce que ça faisait quand j'étais kid. Puis Christy, le rétroéclairage, c'est vraiment, vraiment très bien de l'avoir. Tu sais, c'est comme la télévision, là. Un coup que ça a été inventé, tu peux plus... C'est ça. La télévision est un très mauvais exemple. Ouais. Mais c'est une technologie, tu sais, qui fait que, tout avant est totalement obsolète, là. Exact. Mais on t'avait prévenu. Oui, vous m'avez prévenu le mode, de jeu d'un gamer adulte, là, c'est clair qu'il fait noir des fois, là. Exact. Tu sors ça dans le lit, tu vois rien, tu le ranges. Ou t'as besoin de la lumière là, qui soque tes batteries. Non, mais là, c'est ça. Fait que tu sais, je suis dans le salon, puis il faut que je me tasse une lampe à côté de moi. Ah non, c'est de la merde, sérieux. C'est ça, c'est vrai. Là, tu jouerais un livre, tabarnouche. Non, tu veux juste gamer. Pas besoin de lumière. Mais non, mais c'est ça. Coudon, je vais m'acheter une SP, finalement. Exact. Puis ma collection de jeux est bien complète jusqu'à la date. Il y a quand même pas mal de bons stocks que j'ai hâte, dont Zelda Oracle of Ages. Ouais, t'as les deux Oracle. C'est ça, j'ai les deux les Oracle. Deux Battletoads, un petit Alleyway. Ouais, un petit Alleyway, j'ai le baseball. T'as Little Mermaid aussi. Little Mermaid. Ça, je le cherche ce jeu-là. Little Mermaid, Lion King, Tarzan. J'ai comme tous les jeux de Disney avec ben des sprites dedans. C'est le King de Saint-Eustache qui t'a donné exactement. Une belle boîte de chaussures pleine de jeux de Game Boy. C'est ça. J'y venais Vincent Laniel, Colin, qui m'a gracieusement vendu ça. C'était fantastique. Puis mon gars est devenu super accro au Game Boy. Fait que merci à tous. Yes. Puis, fait que là, tu veux chasser à cette heure avec là, nous autres la prochaine fois. Là, tu veux venir chasser le portable. Exact. C'est bon ça. Puis, tu sais, autant Game Boy Color que Game Boy Advance, là, je veux vraiment comme avoir ceux-là puis avoir des bonnes collections fiables. Puis c'est pour jouer, fait que ça me dérange pas que ça soit des cartes loose, tout croche. Ouais, pas de boîte ni rien, là, M'en sac. Yes. All right. Premier pas, man, dans la bonne direction. Ouais, exact. T'as eu ta chatte d'héros, tu sais, puis... Ouais, sérieusement, là, ben les cartes de Game Boy, je sais pas, il y a de quoi avec ça, tu sais, vu que c'est... Mais il y a une belle taille, c'est souvent ça aussi, c'est la nostalgie. Quand t'étais kid, t'avais quelque chose, fait que c'est ça la meilleure affaire. Moi, c'est vraiment le Game Boy qui a comme... Oh, ça... C'est vrai. La NES est importante, mais le Game Boy... C'est pour ça que je me suis tatoué un Game Boy. Moi, c'est ça c'est qui vrai. M'a vraiment rendu accro, tu sais. Fait que c'est ça. Nice. Bref, là-dessus... Moi, demain matin, je m'en vais acheter plusieurs centaines de jeux Nintendo avec Fred Gemus des Retro Warriors. En fait, j'avais acheté une batch de jeux NES en montant à Tremblant. Là. Ouais. Fait que finalement, on retourne chez ce gars-là puis on y achète le reste de ses affaires. Ah ouais. Fait que là, je vais passer, je vais acquérir, je vais en garder 350. Fred, il en garde genre juste une quarantaine. Ouais, mais Fred, il manquait pas juste une petite partie pour il en finir manque son... à peu près 80, je c'est pense. Ça. Fait que là, ça va couper la poire en deux. Quand même. Moi, ma poire va comme fondre aussi parce que j'ai hâte de voir là, combien il va m'en manquer après ça. Là. Très peu. Très ça, peu. Tu vas chercher de la junk aussi, hein, de la cochonnerie. Moi, là, sur c'est NES, ça, là, je garde toute la marde. Là. Demain, je vais acheter de la marde puis je vais mettre ça sur mes étagères. T'sais. Mais même la marde est courue ces temps-ci. Ouais. J'ai vu du monde vendre des lots de NES de marde puis comme sur les pages de Facebook. Puis tout le monde en dit ouais, PV, PM, PV, PV. J'étais comme, oh my c'est god. C'est des full setters le qui monde, achètent ça? Non, même pas, même là. Pas. N'importe qui. Des comme... semi-setters, genre. Ouais, au oh, ben, du monde. Ça 250 cartouches. Tu... Non, mais des plus petits lots que ça, là. Okay. Mettons, une petite batch de 10 jeux NES. Okay. Il y en a un quand là-dedans. Il y en a, le reste, c'est toute la marde ou semi-marde. Le monde, il comme, capote. Je suis comme, OK, man, c'est bon. C'est un bon investissement. Puis si on fait bien, on va être capable de revendre tous les doublons tout ce qu'on n'a pas de besoin. Parce qu'il y a des unlicensed là-dedans, des PAL et puis une sorte de fun de même. Et puis des doublons, tu sais, genre toutes les Castlevania, toutes les Gaiden, toutes les Turtles, on a déjà tout ça, nous autres, fait qu'on a ça, on va tout avoir ça à vendre. Ben, si on revend tout comme il faut, ça devrait rien nous coûter. On est capable même. De se rembourser. Oh. Ou si on réussit pas à se rembourser cool, ça. Complètement, ça nous coûtera vraiment pas cher. Fred, ça va rien coûter, c'est sûr. Moi, c'est un bon 3500 d'investissement. Mais en revendant tout tranquillement à pièce ou rapidement lors des conventions, tout ça. Exact. Ça devrait se repayer, man. Fait que, on fait une vente chez Arcade. Ben, c'est sûr que je voulais en faire. Je voulais en faire une avant Noël, mais là, on est un peu stressed out à la maison. Là. Déjà, Noël arrive dans 5 semaines. C'est dans pas là, long, les là. Cadeaux, puis on est comme tellement occupé. Il y a de la visite qui vient chez nous. Ma blonde est stressed out présentement. Pas de nœud d'hiver en plus. Ouais, c'est genre. Ça. Pas de nœud d'hiver. Tout va mal. Partout. C'est pas le temps là, d'y arriver avec ça. Je le sens. Là. C'est pas le temps. Ça aurait été bien avant Noël. Mais... Je vois que ta pile est haute. Là. Laisse-moi mettre quelque chose dessus. Exact. Fait que j'ai bien hâte. Demain matin, Fred il a callé off demain de son travail chez Ubisoft. Demain matin, on fait un hit and run. On revient à la maison chez nous, moi, puis on met ça à terre sur le plancher, puis on classe tout ça. Ben bandé les deux. On se fait des listes. Fait que c'est ça. Donc, à suivre, ça va être bien le fun. Et puis, très cool. Autre nouvelle rapide, Vincent Lemay, champion de Donkey Kong. Oui, ben oui, j'ai Québécois, vu ça. Champion de Donkey Kong, il est venu chez Arcane Montréal parce que Ellie, il parle beaucoup avec lui. Là. Ils sont rendus un peu de chum. Fait qu'il est venu samedi, fin d'après-midi, il a fait deux games. Il a fait 300 000 à peu près à sa première game, puis il a fait 750 000 sa deuxième. Explosé. Puis, tu sais, le record mondial, c'est 1 200 000 à peu près. Puis lui, il a déjà fait 1 100 000. Il est septième mondial présentement avec son record. Mais c'est une bonne game pareil, parce que le kill screen il arrive à 800 000, là, à ce qu'il paraît. Il était vraiment proche. Là. Quand il était proche, Ellie, il est allé Facebook Live, tu sais. Ouais. Bon, vas-tu l'avoir? Là, j'ai partagé ça sur toutes les pages, tout, finalement, juste avant, il a pas réussi. Mais moi, je suis arrivé tard au bar, je l'ai rencontré vite, 15 minutes. Puis, alright. Puis là, on s'est toute la gang, bien entendu. Puis là, il y a, tu sais, lui, il connaît Billy Mitchell. Il connaît tout le monde, là, la vieille clique, là, tout le monde de King of Kong. Et puis, tout Richie Knuckles. Il connaît tout ce monde-là, toutes les légendes d'arcade, tu sais. Fait que là, il nous a mis en communication avec Robbie Lakeman, qui est deuxième mondial présentement. Et puis, Wes Copeland, qui est premier mondial présentement. Là, on a ça, là, c'est une discussion avec eux autres là, présentement. Okay. Ils sont tous comme « Hey man, on veut faire un Kong-off comme premier anniversaire d'Arcane Montréal. » À chaque année, Richie Knuckles, vous écouterez l'excellent documentaire « The King of Arcade », c'est l'histoire de Richie Knuckles. C'est sorti après « The King of Kong ». Et puis Richie, dans le fond, lui, c'est un restaurateur d'arcade, tout ça. Puis à chaque année, il organise un Kong-off. Il y a comme 20 machines de Donkey Kong. Ouais. Puis c'est les 20 dudes qui viennent se rebattre tout le monde ensemble à chaque année. Ouais. Fait que là, on fera un micro Kong-off chez Arcane Montréal avec les deux top players mondial. Wow. Puis ça serait 4 jours de jouage de Donkey Kong, live, filmé, puis tout. Puis on pourrait avoir de la sauce forte Billy Mitchell. Et puis on pourrait se faire signer notre marquee par toute la gang. C'est tout ça. Fait que là, on est en train de faire ça. Là. Comment ça va marcher? Qu'est-ce qu'on paye? Le voyagement? Puis tout. Ouais. Fait qu'on est en communication intense. Puis tout le monde sont comme, ben ouais, ah, c'est un bar, c'est cool. Ah, c'est donc bien beau. C'est quoi votre bière? Ils sont bien, bien chill. C'est fait que Vincent nous organise tout ça, man. On dit, c'est vraiment hot. On est en train de jaser avec les légendes. Là, c'est cool. Hein. C'est fou, raide. C'est tellement cool. Fait que ça serait le premier. Un et demi aux légendes, quand même. Ouais, c'est ça, tu oui. On voit depuis le début, ça monte. 3 years ago, genre, on Facebook, tu regardes ça, tu dis comme, ouais, vraiment. Une bonne réalité. Skyrocketé. En train de jaser, en train de dealer avec Billy Mitchell, Vincent, puis de faire venir les gars de Twin Galaxies, tu sais. Alors, c'est fou, là. Dans 2 ans, là, Miyamoto, il est à ton bord. Ça serait ça, tu tournoi Mario Kart. Ouais, exactement. Il se claque une Sapporo, puis tu sais. Ça serait fou, mais ça serait le 1er avril, donc qui est un samedi. Donc, ça serait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Et puis, il faudrait leur faire un petit coin dans l'arcade tranquille pour pas qu'ils se fassent comme verser des bières dessus. Oh, tout ça. Mais à l'arcade, c'est quand même respectueux. Des shots de Gatorade à la tête. Exact. Fait qu'on leur fait un petit coin, on met ça live, des Twitch, puis tout. Puis ça, c'est en real time sur Internet aussi. Puis tout le monde, fucking monde entier, check ça. C'est clair. Parce que là, c'est ça qui est excitant. Là. C'est le top numéro 1, puis le top numéro 2. Puis ils ont comme une petite rivalité très connue, là. Fait qu'ils vont setter ça il pour de un bon record qui chez Arcane. Totalement, totalement. C'était cœur, hein, man. Puis, excellente idée. Pur hasard, ces deux gars-là habitent 30 minutes l'un de l'autre. Puis ils habitent au New Hampshire, je pense, parce qu'ils sont tout le temps au Fun Spot. Okay. Fait qu'ils vont venir en char. C'est genre 3 heures de char, tu sais. Mais toutes les autres gangs sont à fucking Iowa, tu sais, dans l'Ouest américain. Fait que, mais eux autres sont proches. Fait que, Chris, ça tombe ça bien. Ça tombe bien, là. C'est vraiment, vraiment hot. Donc, voilà. L'histoire. À suivre. Hey, on va en parler. Hey, fait que là, les let's play avant de parler de notre autre affaire. Oui. Toi, t'as fait des jeux louches de douche. Jeux louches, ouais. Des jeux, le fun, des jeux louches. J'ai fait le très demandé Shower with Your Dad Simulator 2015. Ouais. On l'a ardemment demandé, sans mauvais jeu de mots. C'est le let's play. Il y a des gens qui ont bien aimé mon gag de 8 bits pendant le let's play. En tout cas, c'est le let's play qui a eu le plus de vues à date qu'on a fait. Même Ben Gagné est venu faire son tour pendant le jeu, me parler un peu. Fait que, oui. Mais sérieusement, des sujets comme pour ça. 99 cents, ça vaut la peine. Pognez-vous ça, ce jeu-là. Le gameplay est vraiment en tête. Puis c'est un jeu que tu sors dans un party que le monde est un peu chaud. Puis, hey, check ça, on va te montrer un jeu que j'ai chez nous. Un petit peu. Oui, c'est ça. Ah ouais, hein? J'avais du feedback. Jeff est en double. Ouais. Tu l'as encore. Je suis en double. Qui écoute son. C'est Dom qui sont C'est Dom. C'est moi, les gars. Je check ma technique, mais c'est Dom. Hey, Dom, là. Distorsion, Max. Excusez-moi. C'est moi, pour le gars des technologies. Ça vaut la peine, ce jeu-là. C'est très, très louche et très le fun. Quand t'enlèves, mettons, le fait que c'est des petits gars tout nus qui courent après des parents tout nus, le reste, c'est un gameplay très le fun à jouer, très tight. Malade. J'ai fait aussi Raiden 4 Overkill. Ouais. Qui était le remake de Raiden 4. Ils ont acheté 2 niveaux, en fait. OK. Puis. Je pensais que c'était un Great Assets avec plusieurs Raiden. Ben, j'ai pris un package sur Good Old Game qui avait tous les Raiden. OK. Dont celui-là qui était le nouveau Overkill. Puis j'aurais eu besoin de ton aide, Dom, pour ce jeu. Ouais, c'est tough. Le 4 était sorti au Xbox 360, c'est pense. C'est ça, c'est exactement ça. Il vient de là, puis c'était pas évident. Ah ouais, ça a l'air d'être un. J'aimerais ça avoir une 360 juste pour ces beaux schmops là. C'est tellement plus cher, anyway. Pas que toi un PC, man. Ouais, ben, je suis allé voir sur Steam avec mon Mac à marde. Ouais. Puis, mettons, Slane, je pourrais jouer. Ouais. Je regardais un peu, il y a une couple de jeux que je peux jouer quand même. Là. Ah, mais c'est un bon Mac, quand même. J'ai un gros Mac, et puis c'est pas si aucun jeu qui joue sur Mac. Là, non, il y en a plein, puis t'as une bonne machine pour vrai. Ouais. Hey, Slane, il est arrivé sur PS Vita. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai, tu l'avais dit. C'est pas mort, ça. Ouais, pendant ça existe encore, ça. Ouais, ça existe encore. Mais sinon, à part de ça. Mais toi, t'as fait du hacking? Ouais, moi, j'ai fait du hacking. J'ai joué à Watch Dogs 2. Puis Watch Dogs 2, qui est super le fun jusqu'à la date, sauf que. C'est ça, le multijoueur, en fait, les fonctionnalités en ligne sont pas encore tout à fait au point. Puis le jeu crash pas, mais il dit bon qu'il est plus en ligne. T'as un message d'erreur, puis il est plus en ligne. Ah. Ah, ben c'est-tu comme fait de même? Ben t'sais? C'est ça, comme ça brise le quatrième mur. Cool. Ouais. Mais non, finalement, c'est pas ça. C'est vraiment des problèmes. Fait que là, c'est vraiment des problèmes. Ubisoft travaille d'arrache-pied pour régler le problème. Puis en tout cas, moi, je leur en veux pas du tout parce que le single player est vraiment excellent. Mm-hmm. Jusqu'à date, ça ruine pas du tout l'expérience solo. Mais quand même, pour juger du jeu au complet, il faut les fonctionnalités en ligne. Même si tu fais pas de multijoueur, il y a des missions qui sont en ligne où tu es pairé avec une autre personne pour les faire. Cool. C'est vraiment cool, ça a l'air d'être vraiment bien intégré, mais bon, j'ai pas pu l'essayer encore, fait que je continue à jouer. C'est un jeu que je suis pas capable de laisser de côté, sérieusement. C'est un contender pour le Game of the Year. Ah ouais, nice. À ce point-là. Fait que c'est ça, fait que en tout cas, j'attends d'avoir ça. Si jamais le mode en ligne est pas disponible cette semaine, je vais quand même sortir la critique pour Rétro Nouveau en mentionnant que c'est une critique qui fait fi de ça. Et puis, sinon, mis à part ça, on a joué à Steep. On a essayé les deux, le bêta du jeu Steep, qui est le nouveau jeu d'Ubisoft, un open world de montagne, de jeu de sport extrême. C'est un nouveau jeu, là. Ouais, il est pas sorti encore, il sort le 2 décembre 2016. On n'a jamais vu ça avant de notre vie. C'est une nouvelle franchise. Nouvelle franchise, c'est un nouveau type de jeu, nouveau concept. Ouais. D'ailleurs, faut que je m'excuse, mon let's play, mon ordi qui est très fort a eu de la misère à rouler le jeu en faisant un stream, plus en enrichissant une copie sur mon autre disque dur. Ah non, mais c'est... Ma caméra crashait tout le temps, là, mais c'est un jeu qui gobe du CPU là, en malade. Puis toute ma résolution était à l'eau partout. Là. Ah ouais. Mais même sur PS4, c'est très demandant. Ouais, mais c'est un build non final. Là. C'était expliqué au début, il disait le jeu va peut-être crasher là, en passant. Là, ouais, il y a sûrement des doutes qui dorment pas présentement en essayant de résoudre ça. C'est quoi ça? C'est dans le Mais moi, il n'y a pas crashé aucune fois. Moi non plus, il n'y a pas crashé. Sauf que je le sentais. Ils sont juste au bord du fleuve, à peu près vis-à-vis. Exact, c'est ça. Ils dorment pas présentement. Clairement. C'est en plus avec Watch Dogs 2. J'ai pris des images de jeu d'ailleurs. Ouais, que, va sortir en décembre. C'est quand même un superbe jeu, là, on peut voir. Là, c'est, ah ouais, vraiment. Là. Ah ouais. Dans le fond, le concept là-dedans, c'est que tu as une montagne ouverte puis tu fais ce que tu veux. C'est vraiment next level, ça, graphiquement. Tu peux faire du ski, tu peux faire du snowboard, tu peux faire du parachute, tu peux faire du wingsuit. Tu vas avoir le saut d'écureuil volant. Là. Je vais avoir de la misère à défendre Ski or Die en regardant ça. C'est un peu comme The Crew, je te dirais, à montagne. Hein. C'est pas mal ça. T'sais, tu peux monter, tu peux avoir une vue de haut de la montagne. Puis regarder, ça va être quoi ta prochaine affaire. De GoPro, c'est comme genre Sean White puis The Crew qui ont pogné. C'est un mélange entre The Crew puis SSX, je te dirais. Ah ouais, vraiment. L'affaire, par exemple, c'est le fun, mais c'est plus une simulation de jeu de montagne qu'un jeu à proprement parler de pour jouer avec. Là. Ouais. J'avais l'impression de l'exploration. Je sais pas, moi aussi, je suis encore un peu indécis. J'ai eu du fun, mais je sais pas si je retournerais souvent, mais ça va dépendre aussi de la communauté, qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'il y a des options vraiment le fun dans le jeu. Tu peux tu descends une pente, mettons, puis t'as trouvé ça fun, tu peux aller revenir puis faire un challenge pour le monde en ligne là-dessus. Puis la communauté qui est ouverte, tu peux rejoindre tes amis dedans. Fait que ça va bien dépendre de ce que le monde va faire dans la communauté, je pense. Je regarde, ça a l'air d'un jeu là, genre ultra social. Dans un sens c'est un jeu que le monde va streamer, vont faire des affaires cool. Ouais, puis c'est exact, parce que le monde va faire des pistes. Ah, exact, tu fais des pistes, puis t'arrives en haut de la montagne, ton bonhomme il sort un drone de son sac à dos, il lance dans les airs, puis le drone te suit, puis tu filmes tout le long. Fait que t'as un replay après de toi qui descends. Mais c'est bien fait, les contrôles étaient quand même très bons. Moi c'est surtout en snow que j'ai trippé. Là. Ouais, moi aussi. Le ski, ça a pas de bon sens. C'est pas jouable en ski. C'est tough en tabarnouche. Le wingsuit, comme ce qu'on voit là, c'est très dur aussi. Le parachute, c'est pas évident non plus. J'ai lu que tu vas avoir des affaires mensuelles. Les sauts sont fun. Tu vas avoir un nombre de tu peux te faire dropper en hélicoptère. Un nombre X de fois par mois, je pense. Puis tu peux payer pour te faire dropper plus souvent. Puis ça me fait peur un peu. Voyons. Ça. Ouais, je te dis, il y a des affaires qui me font peur là-dedans. Le DLC me fait peur. Puis le fait que c'est seulement en ligne, ça me fait peur aussi. Je sais pas si tu peux jouer offline à ça. C'est ça. D'après moi, tu pourras pas jouer offline à ça. Ouais. Ça va être online all the way. Ben, ça va être comme The Crew. The Crew, c'est exactement ça. Là. T'es toujours en ligne. Ouais, il y a tout le temps quelqu'un qui rentre dans ta game. C'est ça. C'est comme du seamless multiplayer. Mais moi, je n'haïs pas ce modèle-là personnellement parce que je suis pas un gars de multijoueur. Ouais, ouais. Puis là, quand c'est intégré à ta partie solo, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Mais je pense qu'ils ont mal fait l'explication du début du jeu. Ils t'expliquent pas les contrôles en partant. Fait que moi, quand j'ai joué, je pensais que tu pouvais juste rider, tu pouvais pas sauter. Fait que j'ai chialé dans le let's play, mais t'avances, tu débloques des nouveaux modes de jeu, t'as des compétitions que c'est de la vitesse, il y en a que c'est des tricks. Mais je trouvais que les tricks, c'était un peu limité ce que tu pouvais faire avec le snowboard. Tu peux faire en haut, en bas, à gauche, à droite, puis des grabs, c'est à peu près tout. Non, est-ce qu'on a pas toutes, je le sais pas. Je pense que je vais l'acheter pour le bien du podcast. Je vais justifier une dépense par là. Mais moi, c'est ça. Il y a quand même un grand vide de ce côté-là. Il y a d'autres jeux qui sont sortis dernièrement. Là, genre parce qu'on s'entend que ça, c'est... Snow, puis le public... Ouais, Snow, j'ai loadé d'ailleurs sur mon ordi. Je vais l'essayer en l'aspect bientôt. Mais le jeu, c'est moi le public cible. Je comprends pas qu'il n'y ait pas ma face à la boîte de ce jeu-là. C'est moi le public cible, puis il manque quelque chose. Je sais pas si c'est à cause que c'est le bêta ou c'est parce que j'ai pas joué assez ou le jeu est comme ça. Ouais, peut-être faut que tu y en donnes un peu plus. Ouais. Là. Faut y Attends, donner un peu plus final d'amour. Release là, pour juger. Là, parce mais que, ça va être un jeu à 80$. J'espère que le contenu est bien là. Parce que il y a quand même beaucoup de stock là. Il y a 111 challenges. Je n'ai trouvé 15 moi dans la montagne. Il y a 149 points d'intérêt. Puis il y avait 110 drop zones où tu peux te faire dropper en hélicoptère. Ah, ben, ouais. Je n'ai trouvé 10. Ok. Fait qu'il y a quand même bien c'était le bêta, c'est ça. Là. Je sais pas si j'ai juste pas trouvé. Faut que t'arrêtes dans la montagne, il y a des jumelles, puis tu spots des places où tu peux te faire dropper, puis ça fait que ça déborde des points où aller descendre. Exact. Fait que c'est un nouveau concept, un nouveau style de jeu. C'est intéressant. Ah, c'est ça, cool. On en fera une vraie critique là, éventuellement. Puis je vais le prendre sur PS4. Mes streams vont moins avoir de la misère que ce mon ordi. Bon. Nice. Hey, là, on est désolé, tout le monde parle de la NES Mini, mais nous autres, on n'a pas réussi à en avoir une. Non, il n'y a personne ici out. Qui a réussi d'en avoir mais une. Ils sont sold out. Je sais pas ce que tu dis là présentement. Puis que, oh ça, shit! Sa tête. Oh! On commence avec ça? Pas quoi! Fait qu'on commence avec un unboxing. On va commencer avec un genre de unboxing. Hey. C'est spécial. Ben, on a un plot Buggle. On va tasser les Buggles. Ouais. Tasser les Buggles. Puis on va faire. On va unboxer une boîte déjà ouverte. Fait que c'est comme un unboxing de seconde main. Ouais. Si vous voulez. C'est comme le GoBot du unboxing qu'on fait. Exact. Hey, attends, vas-tu. Ouais. Attends, on va mettre la fiche technique. Ben attends une minute, on va le sortir. Ok, ok, ouais, unbox, unbox. Fait que tu sais, dans le fond, là. Fait que. Développé et publié par Nintendo. Vous demandez tout, tout ce que l'argent de Patreon fait, tu sais. Nous, on a été. On n'a pas peur de payer 1000$ à un reseller. Ouais. Ah non, les points. pour acheter un NES. Blague à part. Moi, je peux le tenir. Puis, toucher, là. Mais regardez la grosseur de ça. Le NES en arrière, au pire. Check. Juste à côté de la manette. Peut-être. Monte. Montre la manette, puis montre le NES Mini classique. J'allais le faire, Jeff. Là. Donc, hey, tu sais, c'est à peu près en même largeur. Tu sais, c'est vraiment, vraiment tout petit. Là. Hey, c'est petit. C'est vrai que c'est petit. Hein. Fait que tu sais, si on voit en fait... Ça, avec ça, l'autre. Tiens, mets-le dessus. Donc, c'est... Quand même, hein? Vraiment, vraiment plus petit. Donc, c'est à peu près large comme... plus petit que la slot de cassette, là. Hein. Ah ouais, on pourrait le mettre dedans. Ah, faites pas ça. Ah non, ça explose tout à l'heure. Je toucherais pas à ça, moi. Donc, on peut pas ouvrir le slot sur le dessus, en passant. Donc, tu sais, peut-être montrer à l'arrière, dans le fond, c'est assez simpliste, là. À l'arrière, t'as un HDMI, puis t'as l'entrée Power, qui est un USB type B, je pense, mini. Puis, c'est pas mal ça. Puis t'as deux slots à l'avant, vous avez reconnu dans le fond ce qu'il y avait dans votre Wiimote, on en avait déjà parlé là. Fait que ça, donc, c'est la prise de manette qui appartient à Nintendo. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une prise USB propriétaire. En fait. Si vous aviez une manette de Wii controller classique, là, je sais pas quoi, la première là, faite en ovale. Là, les presque, deux classiques, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Ils ont deux ça, modèles, mais ils ont une petite affaire de coche de plastique transparent ici qui fait que ça t'empêche d'en mettre deux. Une à côté de l'autre. Ouais. Comme ça. Là. Exact. La petite pin de plastique, elle va bloquer ici. Tu peux l'enlever avec un screwdriver. Ouais, hein, j'ai vu que tu fais des vis. Ça s'enlève. Ouais. Mais tu sais que la grosseur de la NES comparée à un Doritos, c'est quand même. C'est vraiment petit. Sérieusement, ben ça, d'ailleurs, là. C'est les talons de mesure qui ont commencé. On dit qu'il faudrait que ça soit à peu près à la hauteur d'un Doritos. Donc, ben qu'est-ce qu'on peut dire de cette console-là, dans le fond, tu sais. C'est 30 jeux statiques qu'il y a là-dessus, mais tu sais, les jeux, c'est quand même, c'est des gros canons qu'ils ont sélectionnés, tu sais. Il y en a pour un peu tous les goûts, tu sais, on parle de, bon, les Mario, les Mario Brothers, 1, 2, 3, t'as Punch-Out, Balloon Fight, Zelda 1, Adventure of Link, Ninja Gaiden, t'as du Final Fantasy pour ceux qui ça, j'étais surpris. Ouais, en fait, je suis surpris, il y a toutes sortes d'affaires qui sont pas de Nintendo. Ouais, exact. Ouais, mais il y a une couple de third party là-dessus. Il y a Bubble, Castlevania, Castlevania 2 d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis le 3, mais ils ont mis Simon's Quest. Fait que c'est ça. Donc, Mega Man 2. Si vous voulez donner une seconde rince à Simon's Quest... il y a Pac-Man, il y a vraiment une les grosse déception, par exemple. Il n'y a pas Contra, mais il y a Super C. Il y a Super C, il y a ça, pas Contra. Ouais. Double Dragon 2, excellent. Docteur Mario, Metroid, Kirby, Kid Icarus, Gradius, Ghosts and Goblins. Il y a des affaires surprenantes, tu sais, Galaga. Ouais. C'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'on fait un deal avec Namco. Fait qu'il y a une couple de. Tu sais, il y a Galaga, il y a Pac-Man. Tu vas aller. Je pense qu'il y a. C'est pas mal tout. T'as Kirby's Adventure. Ice Limber, Kid Icarus. Il y a vraiment un Excite Bike, des classiques. Tempo Ball. Tecmo Ball, excusez-moi. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est le, genre le seul mauvais jeu qu'il y a là-dessus. Il aurait dû mettre Tecmo Super Ball. Ouais, ben. Qui est nettement supérieur. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que. Puis t'as Mario classique d'arcade. Oui. 30 jeux, pas mal différents. Il y a une couple de jeux de plus longue haleine, là, tu sais. Mettons Zelda, Final Fantasy. Castlevania 2. Castlevania 2, en effet. Ouais. Mais bon, on va parler un petit peu de l'expérience de jeu. Premièrement, faut le dire, c'est la seule affaire que vous allez lire en ligne. Là, tout de suite, le cordon est tellement petit. T'sais. l'image pour ça, t'as fait. Donc, le cordon de la manette est définitivement pas très long, tu sais. Ça, c'est la différence entre les deux. Exact. Fait que, nice. Ça, c'est même plus petit que l'échelle entre les deux. Tabarn. Le move qu'ils ont fait, je me suis longtemps questionné, tu sais. J'ai un peu compris pourquoi. Je veux pas l'expliquer. J'aurais peut-être fait un choix différent, mais il y a une logique à l'arrière de tout ça. C'est parce que ils ont pas voulu rajouter de boutons sur la manette originale. Exact. Donc, elle est pareille. Mais t'as quand même besoin d'un genre de home button. Puis cette affaire-là, c'est ton reset button. Fait qu'à chaque fois que tu vas aller chercher le reset button, tu vas aller accéder au menu qui te permet d'accéder à tes save slots dans un sens. Parce que t'ouvres la machine en pesant sur power. Ouais. Puis le bouton reset sert à aller au menu. Exactement. Sauf que quand tu utilises une manette, une classic controller, tu peux peser sur home qui sert à faire un reset, en fait. Je l'ai pas essayé parce que la mienne est d'une boîte à quelque part. Mais le fil, il doit pas être bien long de la classique. Le fil est vraiment pas long parce qu'il était fait pour aller sur une nunchuk que tu mets. Exact. C'est la même longueur. C'est la même longueur, c'est la même plug. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le plus gros bémol, tu sais. Oui. Par contre, si on regarde l'interface, vraiment super simple. Mais le monde, ils disent que le fil, il serait court parce que t'as besoin d'aller sur ton home button souvent pour changer de jeu. Mais en fait, c'est... Ça te prend la console proche de toi pour peser sur le bouton régulier. Je dirais spécifiquement, pas pour changer de jeu tout le temps, mais tes save slots que je vais arriver. Si on voit dans l'interface ici, t'as comme 4 save slots d'émulateur, si on veut, par jeu. Okay? Fait que c'est quand même intéressant pour des jeux comme on n'avait pas nommé Star Tropics. Hein? Mais tu sais, Zelda 2, par exemple, ce jeu-là devient spécifiquement vraiment plus facile quand t'as des save slots. Moi, j'ai pour mon dire, si tu finis un jeu sur la NES Mini, c'est pas vrai finir le jeu pour vrai. Mais t'es pas obligé de les utiliser. Désolé. J'ai fini Ninja Gaiden sur ma NES Mini. Non. T'es pas obligé de les utiliser. Parce qu'il émule aussi le. C'est ça. Faut pas que t'es utilisé. Normal, tu sais, si tu veux avoir des save games normaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu peux aussi avoir des save slots émulation. C'est ton choix. Dans le fond, il y a 3 modes graphiques là-dessus. Tu as un mode un petit peu genre cathodique émulé avec des scanlines qui te donnent. Ça, là. Moi, je trippe pas sur le rendu à l'écran. J'ai jamais été un fan des scanlines. J'aime les scanlines. Ben, ça dépend des jeux. Moi, j'aime pas les scanlines artificielles. Au NES de même, on n'est pas... Good job, Jeff. On n'est pas habitué à avoir des scanlines parce qu'il n'y en avait pas là-dessus. Il y en avait dans ta TV, mais... Ouais, mais pas aussi apparent que ça. Exact. T'sais. Fait qu'ensuite, tu as le mode 4.3 qui est pas mal ce qu'on avait quand on était jeune en jouant sur notre télé. Puis, mon mode préféré, Pixel Perfect, ça, c'est la façon dont les développeurs de jeux avaient conçu les jeux, tu sais, parce que c'était pas supposé d'être rendu en 4.3. Vraiment, c'est juste stretché pour la TV. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça là, vraiment, vraiment fantastique. Rare, j'ai trippé sur ce mode-là, puis... Ça fait pas de gros. Ah, c'est développé Square, les jeux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ils l'étiraient pour le mettre en 4.3. Oh. Mais, pis c'est vraiment hot, tu sais, c'est sharp, c'est clean. J'ai adoré le look de cette affaire-là. Moi, ça a été mon mode préféré, mais chacun aura son choix. Pis tu peux le mettre dans le menu, il y a comme, je sais pas, comme 16 ou 18 langues. T'sais. Moi, je l'ai mis en français, ça marchait très bien, pis c'était bien correct. Mais l'interface est simple, tu sais, le home, le reset, il te ramène tout le temps au menu, tu peux sauver ta game, changer de jeu. Ça se fait vraiment bien. Ah, c'est t'sais. Beau, ça. Ah non, ça c'était. Ouais, ça c'est toutes les jeux. Je pensais que c'était le menu principal. Ça aurait pu. Mais c'est fluide, tu sais. J'ai pas eu besoin de lire le guide du tout, là. J'ai plugué cette affaire-là, j'ai commencé à gosser avec. C'est sûr que j'ai peut-être connu mon lot d'émulateurs dans ma vie, là, mais ça, là, c'est comme le plus simple que t'as jamais vu, tu sais. Ouais, mais on voyait le menu, c'est vraiment simple. Ah, c'est simple, intuitif. Simple. Puis ça se fait avec la manette, tu sais. Puis t'as juste les c'est le design les boutons, des posters de dans le temps. Ah ouais, tout à fait. Ça, c'est comme quand t'avais le poster à l'intérieur, là. Exact. Mais le poster est. Mais il y en a un dedans, d'ailleurs. Ah oui, on pourrait checker. Dedans. Michael, il dit que la CRT filter est dégueu de la NES Mini. Ouais. Puis c'est pas juste des scanlines, ils ont rajouté du blur, puis ils ont émulé le composite. Fait qu'ils ont ils ont cochonné. Moi, j'ai pas aimé ce mode-là, mais vraiment Pixel Perfect, là. Mathieu Bonin dit « Le CRT filter développé par un gars qui n'a pas vu une CRT depuis 20 ans. » C'est ça qui s'est passé. Il aurait dû nous demander de le faire. C'est d'ailleurs lui le par défaut. Là. Il y a Maxime Roy qui me demande comment est la manette par rapport à l'original. Moi, je la taponne depuis tantôt, là, puis je te dirais que le feel il est exactement le même. Je la trouve un petit peu plus lourde. Puis les boutons sont un petit peu plus snappy, mais il faut dire que moi... Il est neuf, c'est ça l'affaire. C'est pas assez neuf, là. Ouais, mais elle est plus lourde, sérieux. Rappelle-toi là. En 85, quand t'as déballé ta Nintendo, tu sais. Ouais, ben je m'en rappelle pas tant, justement, du feel. Ben je joue avec une Dog Bomb de Top Loader, depuis des années, fait que je sais... Mais elle est tight, tu sais, le... Ben elle est snappy, les boutons sont snappy, puis elle est un petit peu plus lourde. Ben on s'en crisse, là. Je vais juste nommer qu'elle est plus lourde. Moi, j'aimais ça, puis... Hein? Y tu la même texture? C'est le dessus, même plastique, là? Sur ouais. Tu touches, là. C'est pas cheap, là. C'est bien c'est fait. Pareil. T'sais, genre, ça va user de la même façon. Ouais. Ah, clairement. Mais tu sais, si on se demande, c'est quoi les avantages d'avoir cette affaire-là quand tu peux avoir ton laptop que t'as mis une manette que t'as acheté chez AliExpress, là? Ben, c'est clean. Tout est simple, c'est facile, tu sais. C'est 80$, mais tu sais, c'est un bel objet. C'est le fun, c'est bien fait. La manette, ce feeling-là, tu l'auras pas en achetant une manette chez les Chinois. Là, c'est vraiment le feeling là, d'origine. Non, puis aussi à savoir que 30 jeux comme ça, si tu les achètes sur Wii U, s'ils étaient disponibles en passant, c'est 30 x 5. Là. Ça veut dire que c'est 150$ down the drain. C'est ça. Fait que quand même, ça vaut la peine. Puis il y a plus de save state là-dessus. Ben, il y a 4. On voit la texture. Il y en a 4. Il y en a 4, mais c'est pas le cas sur Virtual Console. C'est pas la même chose. C'est un peu plus agréable comme expérience qu'un Virtual Console, honnêtement. Puis c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça une super belle expérience. Moi, j'aurais peut-être aimé un peu plus de jeux, mais avec 30 jeux de même, c'est des classiques. Je pense que ça va donner le fixe rétro que le gamer normal va aller chercher. Exact. Si vous êtes un collectionneur, ça va chercher tout le monde. C'est quand ça a sorti, mon beau-frère de la Beauce m'a appelé. Mon ami avocat m'a appelé. Tout le monde. Hey, tes contacts sont-ils à moi? Tu sais, la nouvelle Nintendo. Man, comme totalement harcelé. Ça parle au monde entier. Vous avez touché ça au parle jeu, pas monde à moi, jeu vidéo dans votre vie. Tant mieux, tu sais, parce que c'est ça le but. Mais n'importe qui a la famille ou quoi que ce soit, si vous avez touché au jeu vidéo dans votre vie, hey, t'as-tu une passe pour un net classique? Mais non, là, mais on n'est pas spécial non plus. Hein. Tout le monde qui a notre âge ont tous eu une NES de près ou de loin. C'était super populaire. Ou le voisin en avait une, puis t'allais jouer chez eux. C'est ça, exact. Fait que c'est normal que tout le monde la veuille. Mais tu sais, c'est un. Moi, je trouve que l'expérience est vraiment bonne. Ouais. L'affaire, là, vraiment, là, moi, je vous dirais, la petite manette, ils se vendent des extensions. Moi, je le ferais pas. Non? Moi, je m'achèterais un très long HDMI. Là. Ouais. Je garderais cette affaire-là à côté de moi pour gamer. Mais c'est parce que moi, mon kid, quand il joue, là, il a l'habitude, trop, justement, de tirer puis de faire des moves. Tu sais, ça, avec ça, tu fais un move. La console est tellement légère. Ouais. Ben, peut-être c'est sûr tu que tu fais ça des moves. Voler, peut-être que tu peux avoir l'extension. Il y a des extensions third party qui se vendent 10$. 10$ pour. Mais j'ai vu aussi, il y a une extension. Moi, c'était. Non, parce que Nintendo les vend 10$ pour 6 pieds. Attention, tout le monde. Oh, on achète des third party pour ça. Pour 4 pieds de plus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis la manette, l'autre manette, je pense qu'elle est 10$. Si faites attention, il y a comme un rip-off cheap avec 4 boutons qui ont sorti à 20$. Oh là. C'est un third party, encore une fois. Mais il y a une affaire qui m'intéresse, par exemple. Il y a une extension que tu peux acheter comme une espèce une espèce d'adapteur pour plugger une manette NES originale. Puis la plugger après ça là-dedans. Ah, ça serait bien. Non, c'est avec malade. Le fil, tu parles. Oui. Fait que là, tu peux la plugger dans ta NES Mini, mais tu peux aussi la plugger maintenant dans ta Wii U. Ça va fonctionner pour jouer à des vieux jeux. C'est hot en maudit, si vous avez des manettes chez vous. Mais ça, c'est une belle option en ce moment-là, Bruno. Mais je pense que la manette NES, c'est genre 5$. Là, exact. Et ceux-là, ils sont combien? Ils sont 10$, puis ton fil est plus court. 10$. 10$, c'est pas si cher, mais il y en a mais c'est ça, mais un adapteur, l'adapteur dont je parle, il est en bas de 10$. Okay. Tu t'en achètes un ou deux. Si tu achètes à peu près 20$ de matériel périphérique, j'en reviens pas comment ils vendent la manette si peu cher. Toutes les manettes à ce temps, tu vas acheter une manette, elles sont toutes genre 60$. Exact. Tout ça, ben, c'est parce qu'il y a tellement de composants là-dedans. Je sais. Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Il me semble qu'il y avait une belle occasion de crosser le monde qui n'ont pas saisi. Pour une tour pas en bonne affaire, reculer. Les resellers s'en ont chargé. Mais d'ailleurs, là, si présentement vous regardez ça, vous êtes en train de saliver, vous en voulez une, puis regardez Kijiji, puis ils sont 300-400$. Nintendo Canada a dit qu'il y aurait des shipments réguliers jusqu'à Noël. Succombez pas là, au third party shop. Tout le monde va en avoir. Capotez pas. Un jour, quand il n'y avait pas de Wii, comme une couple de mois après, il y en avait trop. Ça risque d'être la même affaire. Sûrement la même chose. Mais moi, j'ai. En tout cas, grosso modo, beau produit. Les petites lacunes, la seule lacune que je trouve personnellement, c'est vraiment la longueur du fil. Que vous rajoutez le fil à l'arrière ou à l'avant, c'est un petit peu votre préférence personnelle, mais ça va vous en prendre un, fait que ça dépend quel type de personne vous êtes. Donc, c'est que t'as toutes les consoles sur une belle petite table en dessous de ta TV, c'est tellement magnifique. Là. Ouais, mais tu sais, elle est super belle. C'est quasiment un bibelot, c'est cette affaire-là. C'est un bel objet. À partir du moment où vous êtes écœuré, tu mets à côté de ton Pierrot en. Ah oui, ton Pierrot en porcelaine! Moi, il était dans la salle de bain, mais je pense qu'on va le remettre dans le salon. Mais gars, freaky Pierrot. Tu pourras avoir ça chez vous, d'homme à la place, si t'as. ta tablette de salle de bain. Fait que, t'as-tu une note à y donner? Oui, j'ai une note à y donner. Moi, j'ai donné 4.5. Quand même. Honnêtement, là, à part le film, là, j'aurais donné 5 sur 5 s'il y avait eu un long film. Mais super bon, puis l'émulation est bonne. Et le feeling est bon. Y a-tu un délai dans le gameplay? Moi, j'en ai pas vu, OK? T'sais, j'ai pas comparé side to side, mais dans l'expérience, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. La seule affaire comme que j'ai dit qui m'a un peu moins plu, là, les scanmines, tout le monde semble dire aussi que c'est pas réussi. Mais en même temps, t'es pas obligé. Non, parce que le 4.3, il fait un job et il est clean au niveau de... mais le pixel perfect, c'est beau, là, c'est vraiment... Mais oui. Mais moi, je trouve que c'est pour ça que tu l'achètes, parce que c'est pas plugin HDMI. Ça, tu l'as jamais eu, tu sais. Le pixel perfect HDMI, tu peux pas l'avoir. Fait que... Ben ça aussi, Dom, justement, éclaire-nous. Changer une console... possible. Ouais, changer une console NES traditionnelle, puis y mettre des ports en arrière pour qu'elle puisse être branchée en HDMI, c'est-tu une opération qui est très coûteuse? C'est-tu quelque chose qui ben, tu peux pas vraiment faire ça parce que la console, elle n'aimait pas du HDMI, là, dans le fond. Là, j'entends Michael au clavier présentement. mais il faut que tu modifies ta NES. Ouais. Mettons, moi, chez nous, j'ai une NES modifiée à RGB. OK. Puis de ça, il faut... Puis ce RGB-là passe dans un câble Péritel, qui est un genre de câble français. Là. Ouais. Puis ça, tu peux brancher ça dans un FrameMaster ou bien un autre convertisseur là, qui, lui, fait HDMI dans ta TV. Okay. Fait que, moi, j'ai pogné un convertisseur chinois là, à 30$. Là, mais FrameMaster, c'est 400 quelques piastres. Mais ça, c'est comme... j'ai vu la différence entre les deux. Ouais. Puis FrameMaster, c'est fou raide. Là. Okay. C'est... Pixel. Puis on a joué chez Martin sur sa fucking grosse TV au Genesis. Là. Les pixels, là, les coins étaient coupants. Là. Tu sais, quand Michael a amené son shit, là. Shit. Ah, c'était fourette. J'ai jamais vu ça. Parce que c'est t'as soit entre ça ou la Retron 5. Non, jamais de Retron 5. Là. C'est de la merde, la crise de la merde. Ben, c'est parce que c'est cheap, ça pète. Ouais. Là, l'image était bien et tout ça, mais... Ben, il te faut les vrais jeux aussi. Là. Ouais, mais moi, tout ce que je veux... Je veux essayer ça juste pour voir s'il y a un délai. Là, c'est vraiment ça. Là. C'est ça le problème, je trouve, de ne pas jouer sur une CRT. C'est tout le temps le petit délai qui fait que tu te fais péter à punch-out ou que tu perds des vies à contrat. Mais tu sais, ça a l'air niaiseux, mais quand ce que tu es en train d'écrire, là, ça va vraiment dépendre de ta télé. Parce qu'il y a des télés de gaming où le temps de réponse est vraiment minime. Là, d'ailleurs, Zef en avait amené une au Weekend Gaming. Là. Ouais. Fait que ça te prend, si tu veux avoir une télé, mettons, HDTV, là. T'sais, ça va dépendre de la qualité de ta TV pour le temps de réponse. Là, tu vas aller chercher, ça va te prendre une TV de gaming, mais il y a bien du monde qui vont pas voir la différence. Si tu as une TV de bonne qualité, là, tout ça va être ça quoi, s'adresse à du monde qui sont... qui vont pas checker tant que ça la pas, différence. À Balloon Fight, c'est pas le frame de plus qui va faire une différence. T'as ma tante quand t'as rejoué à ça. Exact. Fait qu'on arrête le podcast, puis on le bloque sur la télé, puis on joue, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'on fait. Mais non, il y a des critiques à faire. Merci tout le monde, hey! Ciao! On va finir par en trouver une, chacun de nous autres. Mais moi, je regarde chaque matin depuis deux semaines s'il y en a. Il n'y en a pas jamais. Ouais, ça c'est. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment ouvert quelque chose avec ça ici sur la boîte. Ouais, hein, ça annonce, ça annonce quelque chose, ça. Ça donne vraiment l'impression que ça va être la nouvelle ligne de Nintendo. Moi, ça me donne l'impression que Virtual Console, ça n'existera plus. Il y a plusieurs analystes qui disent ça présentement, comme Virtual Console out. Là, maintenant, c'est les classiques de Nintendo. Puis je trouve que c'est tellement un beau produit. Ils ont une mine d'or dans les mains Nintendo. Pareil, là, s'il y en avait. Si, tu sais, ils ont vraiment bien fait ça pour le côté, tu sais, publicité puis nostalgie pour la NES Mini. Que je fais juste imaginer comment ça pourrait être avec une Super NES ou même à la limite un Game Boy avec des jeux loadés dedans. Ça serait vraiment génial. J'espère que c'est le début de quelque chose. Ce que tu dis est vrai, Bruno, là, tu sais, imagine 30 jeux de Super NES, tu sais, puis avec pas mal de first party puis une couple de third party, t'as quand même quelque chose de fun. C'est génial. Mais c'est surtout que Nintendo, ils ont déjà énormément de jeux first party qui sont malades, que tout le monde veut, tu sais. Si tu vas sur Super NES, là, c'est pas long. Tu sais, tu mets toutes les Donkey Kong Country, Super Mario, Zelda, Link to the Past. Tu sais, tu mets juste Yoshi Link Island. To the Past. Mais mets Link to the Past puis Super Mario World, puis ils se vendent toutes. Les autres, là, c'est F-Zero comme filler. Super Punch-Out. écoute. Ça serait facile de pousser ça. Fait que, moi, j'ai bien hâte de voir où ça s'en va, ça. Fait que, cool. Soyez patient, puis vous allez en avoir une à un moment donné, mais yes, ça vaut à peine. Selon moi, puis pour 80$ plus le 10$, ben oui, plus le 10$, t'es à peu près à 100$. Ça vaut la 30 jeux, là. Mais t'as du fun avec ça. Ouais, mais l'objet, croyez-moi, ouais, tout ce qui est petit est magnifique. D'ailleurs, Bruno a un Game Boy Micro à vendre, il y en avait. Ouais, exact, j'ai un Game Boy Micro à vendre en passant, donc. Ouais. Bienvenue. T'as aussi une critique à faire, Bruno. Oui, c'est vrai, hein, on a je vous ramène à l'ordre sur la critique. Ouais, ça, c'était la critique. Non, mais là, c'est ça, critique c'est à la... Ça, c'était ta critique. C'était ma critique. Ouais, c'est spécial, c'est comme festif, ouais, là, on en a une dans le studio, ouais, fait qu'il fallait en parler. Ah! On va la tasser avant de renverser de la bière, ouais, de campagnard. Pas cassé. Hey, non, mais moi, je dirais... GF, ça te dérange-tu si on fait un switch entre moi et Dominique? Non, non. Juste pas être Nintendo. Hey, vas-y donc, Dom, t'es-tu prêt? Dom, là, je te mets sur la sellette. Oui, cette bonne vieille sellette sur laquelle je me trouve, ouais, si moi souvent. Aussi, mais on est prêt. Non, oh, non, mais juste pour changer le pace un peu, là. J'suis là. C'est fun, ça. Thanks. Fait que, GF, tu parlais de Raiden tantôt. Yes. Moi, j'ai, ouais, pas joué à grand-chose cette semaine, mais j'ai joué un shmup auquel j'avais déjà joué. Ça s'appelle Gunbird. Mesdames et messieurs. C'est et ça. Puis, je l'ai acheté à Éric Bonenfant, collectionneur de Rimouski. Et puis, il en vendait une coupe. Donc, moi, j'ai pogné la version Sega Saturn. Parce que j'aime beaucoup, moi, les schmas pour Sega Saturn. Oui, c'est, hein, fait pour ça. Chris de bonne machine. Avant ça, que tu commences, j'en veux, j'ai une question pour toi. T'as-tu un slot de RAM additionnel pour ce jeu-là dans Saturn ou non? Il est capable de faire la jam? Je me demande s'il y a des jeux japonais qui nécessitent ça. Okay. Ou s'il y avait juste genre que quelques jeux, jeux américains. Ouais, les jeux de Fighter, là, il avait comme Capcom en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Mais ok. Non, j'ai aucun jeu qui a okay besoin de non ça. Nick, avant que j'oublie, Samurai Showdown 6 ressort sur PS4. Ouais, j'ai vu ça. Fin de la parenthèse. C'est fresh. J'essaie de te l'avoir. Merci. Nice. Oh! Fait que Gunbird. Gunbird. C'est. Je vais en parler vite. C'est. En fait, tu sais, un schmop, pas grand chose à dire là-dessus, à part que ça tire. Donc, je vais parler un peu du background. Ouais. C'est développé par Psycho. Et puis, Psycho, c'est comme un détachement d'un team à l'origine, dont j'ai oublié le nom, qui ont fait Aero Fighters. Et puis, Psycho a fait une couple de shooters qu'on connaît bien, puis d'autres jeux aussi. Il y a Strikers 1945, ah oui, que j'aime ouais beaucoup. Ouais. Soul Divide, Cannon Spike, Zero Gunner 2, Show Aniki, Legend ah of oui the Holy Protein, la légende de la protéine. Hostie, c'est malade. Et puis, ils ont fait beaucoup aussi de jeux de Mahjong là, sexy. Ah là, ouais. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, voyez ici. Mahjong des Mahjong sexy. Mahjong sexy. Donc, les jeux de Psycho sont reconnus pour être quand même assez courts. Il y a genre 6 niveaux là-dedans. Et puis, tu vois le power-up, là, ça, il est pareil comme Strikers. Là. Ça me plaît, ça. Là. Ça, c'est le power-up Psycho. Là, t'sais. Et puis, ça, c'est ça. Donc, le jeu, il n'est pas si long. Puis, il recommence au début 2 fois plus dur. OK. Puis, Gunbird 2, là, c'est comme ça recommence. Puis, il mélange les niveaux. Puis, il mélange plein d'affaires. C'est tout le temps plus dur. OK. Ce qui fait que... Quand tu joues à Gunbird 2, comme Éric Hébert dit, ça devient déprimant, tu sais, parce que tu joues une demi-heure, 40 minutes, puis t'as tout le temps des crédits, puis tu sais, Chris, ça finit pas, tu sais. Fait que Gunbird 1, j'ai pas eu assez de patience pour jouer en co-op assez longtemps pour voir si ça finissait un jour, mais j'ai fait la première ronde avec Michael, puis ça recommençait au début. Parce que ce shmup-là, il y a une gimmick intéressante, je trouve, qui rajoute un petit challenge. Ouais. Au lieu d'avoir toujours des crédits puis de recommencer in-game continuellement, ce qui fait que tu peux tout le temps crever puis tu t'en fous, ça le fait pour les deux premiers niveaux. Puis à partir du troisième, t'as ton crédit de 3 vies, dans le fond, pour faire le niveau. Okay. Si tu perds tes 3 vies dans le niveau, tu recommences le niveau. Mais les okay niveaux sont courts, puis très courts. Puis les boss sont grands, puis beaux, et puis ils changent plusieurs fois de forme. Fait que c'est pas décourageant non plus. T'es pas comme, ah, oh, fuck, un niveau de 15 minutes ouais avec mes 2 vies, tu sais. Non, non, ça dure, là, une minute et demie, puis t'es déjà rendu au boss. Si, boss. Là, t'as juste une parenthèse. Ce qu'on voit à l'écran, même, c'est comme une fille, c'est une balette sorcière. Ouais, exactement. Ben, je vais en venir. Les okay personnages, dans le fond, t'as le choix entre 5 personnages. Il y a Ash, qui est un Allemand de 28 ans. Lui, il a un jetpack. Et puis, t'as Marion, c'est elle qu'on voit présentement. C'est une petite sorcière anglaise de 13 ans. T'as Valnus, qui est une espèce de... Ouais. Je vais vous laisser processer ça, là. C'est bon, c'est passé. C'est tellement gros, de choses en c'est même un, temps. C'est un gros robot. C'est pas un gros robot, mais c'est un genre de demi-robot. Juste un chess avec une tête, là. Un robot russe. Il y a Yuan Mang, qui est une espèce de fille aux cheveux rouges là, sur un nuage avec un staff, un pot, comme Donatello. Non, mais tu reconnais le personnage. Tu sais, les yeux pointus, cheveux rouges, tonton. Genre personnage de feu un peu. Là. Ouais. Donc, moi, je l'aime bien. Et puis, il y a Tetsu. Ça, c'est weird. C'est un homme de 60 ans sur un genre d'hélicoptère en pédale, là, comme un pédalo-hélicoptère en bois. Hey, tu m'aimes le goût. Puis, c'est noté et affirmé, très important, qu'il est gay. OK. Fait que... Il est gay. C'est très important pour eux autres de dire qu'il est gay. Sois fier. C'est vraiment spécial. Et puis, il y a le The Trump. Dans le fond, c'est une troupe de Sky Pirates. Ça, c'est les méchants. Fait que là, on les voit à l'écran ici. Regarde, ils sont en bas. C'est comme, on va te piter. C'est Who Are You? Ouais, puis, c'est vrai que ça y ressemble. Fait que c'est cette clique-là. À chaque fois que tu les vois au sol, puis là, ils rentrent dans le robot qui va devenir le boss du niveau. Et puis, l'attaque commence. C'est donc, cool, ça. Chacun des personnages... en fait, là-dedans, la gimmick, c'est la même que dans Strikers. T'as un auto-fire pour tirer tout le temps. T'as un autre bouton de fire que tu peux pitonner dessus pour tirer tout le temps. Ou si tu le gardes enfoncé, ça prend 3 secondes à peu près. Mais 3 secondes là-dedans, c'est long. Là. T'sais, quand tu dis que tu fais un charge attack, là, puis tu prends 3 secondes dans un shoot. Une minute. Là, ouais. Non, c'est ça, mais t'as tellement de monde qui tire dessus. Exact. C'est que tu cesses de tirer pour charger. Là, tout le monde te tire dessus. Mais le charge attack est puissant et super intéressant pour chacun des personnages. Et puis, t'as une bombe, là, comme on vient de voir à l'écran. Donc, très, très simple. Et puis, les power-up, quand tu meurs, tu peux les grabber, bien sûr. Oui. Donc, chacun des personnages est très différent aussi, tu sais. Ils font toutes la même affaire, mais avec une portée différente. Puis les charge attacks sont différentes totalement les unes des autres. Moi, j'aimais bien la petite fille rouge, justement, avec son staff. Tu sais, c'est pas un projectile ni rien. Elle donne juste un long coup de staff. Mais le staff, il a une bonne longueur. Puis quand tu réussis à pogner un ennemi avec ça... Même s'il est très résistant, comme il éclate d'un coup. Là. Puis le feeling et le bruit que ça fait quand tu... Tac! Ah, man, c'est bon, là. C'était satisfaisant. Ah ouais, vraiment. Ben, c'est pour ça que tu joues à des shmups aussi. C'est comme quand tu pètes des affaires. Ça explose sans arrêt. Ça, c'est vraiment trippant. Et puis, quoi d'autre? Ouais, il y a des petits dialogues, là. Peux-tu nous parler de Valnus un peu? Ouais. J'ai beaucoup aimé Valnus, son attaque spéciale. Puis il crie, là, blablabla. Ah, il y a le fun. Tu l'aimerais? Il a vraiment l'air d'un robot russe, en plus. Il a que de la décoration. Ouais. Et puis, c'est pas mal ça, dans le fond. Jeu court, mais il est vraiment beau. Là, ouais, ouais. Le port du Saturne, il est très, très nice. Ouais. C'est arcade-like. Là. C'est parfait. Aucun ralentissement. C'est du bonbon. Là. C'est-tu un jeu très dispendieux, ça, présentement? Non, la version Saturne, c'est 30-40$ à peu près. Okay. Gunbird 2 est plus dispendieux. Okay. Il est sorti en version iOS au Dreamcast. On parle d'à peu près de 80 à 100$. Okay. J'aimerais bien l'avoir. En attendant, je peux jouer dans la même à l'arcade. Ouais. Mais la série Gunbird est très sympathique, très accessible. Et puis, j'ai pas joué à la version PS1. J'ai comme l'impression qu'il y aurait des ralentissements. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai en tête que la PS1 a des ralentissements. Ben et non, puis, mais ça ressemble à un jeu de Super NES. Fait que... Ouais, mais il y a tellement de stock à l'écran, fait que des fois, ça ralentit. Et puis, c'est aussi disponible iOS. Puis, les shmups iOS, c'est le fun parce que tu joues avec ton doigt. Et puis, c'est Cave qui l'a développé en version iOS. Oui, quand même. Donc, puis, c'est un autre développeur qui l'a développé pour la PS1. Puis, c'est un autre développeur pour une autre plateforme PC. Donc, puis Cave, ils l'ont en tabarnak quand c'est le temps de faire des shmups sur c'est mobile. C'est ça qu'ils font. Vraiment. Ouais, c'est ça qu'ils font, mais tu sais, comme sur console, c'était malade. Ouais. Mais sur mobile, tu sais, comme ils ont réussi à avoir, à rendre là une belle expérience. Ils ont pogné un touch. C'est cool. Pour un jeu de mots mobile. Fait que je donne sont un beau... Cave. Non. Je donne un beau... Bruno, t'as gâché ma note, j'allais donner un 4. On a manqué le pacing. Donne un 4 pour donne Gunbird. Un 4 à Gunbird. très bon shmup. J'ai été surpris, en fait. Je l'ai acheté pour la collection, puis je l'ai essayé. Puis là, comme je rentrais dedans tout de suite. Puis j'ai joué à tous les jours avec joie et tendresse. Allégresse. Puis quand Michael et Eric sont arrivés, puis ils ont embarqué dans le game, on s'est mis à tirer partout à deux. Puis c'était shotgun sur Valnus! Vous êtes vraiment pogné là-dessus. Même moi, genre survenu. Ah, mais c'est tout nouveau pour nous. Oh non, excusez, c'est ça. Fait que sur une des meilleures tunes au monde de Megaman qu'on entend présentement, Bruno, je te passe le flambeau. Ah, merci. On revient vers Nintendo. Oui, on revient vers Nintendo. Moi, je me suis amusé avec Mario Party Star Rush, qui est dans le fond le nouveau Mario Party, qui n'est pas un Mario Party. Tu t'es amusé, Oh oui! Ah ouais? Ouais! Ben en fait, là, c'est ça. Les Mario Party, il y a tout le temps eu comme deux vies de Mario Party. Il y en a eu une sur les consoles de salon, puis une sur les consoles portables. Puis celle sur les consoles portables, ils n'ont jamais réussi vraiment à trouver leur voix. Tu sais, le fait que ça soit un party, puis que tu sois tout seul, c'est pas toujours évident. C'est un peu triste. C'est très triste, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là-dedans, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que là, c'est. Ils ont voulu trouver un moyen pour que ça soit toujours ton tour, puis que t'aies pas besoin d'attendre après le tour des autres. Et ils ont totalement réussi. En fait, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je dirais, ben, ça serait bien le comble du malheur d'attendre un tour en plus de déjà être tout seul. Ouais, mais c'est exactement ce que tu faisais avant dans Mario Party sur mobile. J'avais jamais joué en mobile avant. Ah, ouais. Moi, j'ai joué sur 3DS, sur DS, sur Game Boy. Bon, mais. Il a tout le temps fallu t'attendre. Là. Tu joues, là, t'attends. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, là-dedans, comme c'est à l'écran, c'est toujours ton tour. Fait qu'en fait, les tableaux, ça a changé comme l'espèce de forme du tableau qui était tout le temps comme un board game où t'avais un espèce de trajet précis. Là, c'est comme une espèce de grosse grille. Puis, tout le monde peut aller dans n'importe quelle direction. Tu lances ton dé, dépendant du nombre que t'as, t'avances ce nombre-là, mais tu peux quand même... décider d'où est-ce que tu vas aller exactement. Quand tu décides ton chemin, tu vas peut-être pouvoir rencontrer certains autres personnages de Nintendo. Ces personnages-là vont s'ajouter à ton équipe. Ton leader de ton équipe, c'est un Toad. Tout le monde a un Toad. Puis, parce que c'est l'année de Toad, hein, personne n'en parle, mais c'est ça pareil. T'es-tu sérieux? Ouais, pour vrai? Wow! C'est de valeur que ça finisse dans 4 semaines. Oui, tu sais, parce que là, justement, les Toads, ils étaient dans Paper Mario All the Way partout. Puis là, les Toads sont partout dans Part Time Rush. Il y a eu Captain Toad, dans Part Time Rush. C'est ça qui a lancé l'année. Ben, ça fait un bout. L'année, ça aurait fait comme 3 ans qu'elle a commencé. Ouais, ben d'abord, c'est quoi ça? Ouais, j'ai pas entendu. Mais non, il y a des Toads partout tout d'un coup, là. Ok, mais t'as pas été annoncé officiellement. C'est toi qui dis ça. Non, moi, je dis ça parce qu'ils mettent des Toads partout. On dirait que les enfants dans la gorge, c'est comme C'est Toad. Là, on voit juste Toad de ce temps-là. OK, mais c'est pas officiel. Mais il n'y a pas eu de communiqué. Non, c'est Bruno, pas eu de communiqué. Là, c'est ça. Okay. Moi, là, c'est tout dans le Bruno Land. On va se faire shot dans les mains. Celui où les Game Boy originaux ont des beaux écrans. Exact. Tout le monde s'appelle Valnus. OK. Fait que là-dedans, en fait, là, t'attends plus ton tour, tout le monde joue en même temps. Puis tu peux rencontrer les personnages de Nintendo, comme j'ai dit, qui vont s'ajouter à ton équipe, qui vont te permettre d'avoir plus de tours. Donc, disons que ton équipe est munie de 4 personnages. Mm-hmm. Ben là, ces 4 personnages-là vont pouvoir lancer le dé en même temps, puis te donner un gros 18, admettons, pour te rendre jusqu'au bout. Puis dans ce tableau-là, tu vas avoir évidemment des mini-jeux qui se retrouvent là, mais tu vas avoir aussi des boss. Ultimement, ce que tu veux, c'est battre des boss là-dedans. Ouais. Fait que tu vas aller battre un boss, deux boss, trois boss, quatre boss, puis le tableau va se terminer. Les tableaux, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont perdu de leur personnalité en mettant des espèces de boards comme ça qui sont un peu juste une espèce de gros carré ou une forme, whatever. Tu sais, c'est ça. C'est soit il y a du gazon, soit il y a du feu, soit il y a de la brique. Il y a une interaction dans les boards comme il y avait dans les anciens ou c'est... Pas vraiment, non. Tu sais, il y en a un peu, là, mais c'est minime. Tu sais, comme un moment donné. Je pense à ça, ben non, j'allais dire quelque chose, mais ça se passe dans un mini-jeu. Okay. Ça se passe dans le monde de Bruno. Oui, ça se passe dans le monde de Bruno. Ça se passe dans ma tête. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, t'as des boss que tu vas faire avec tes amis, tout ça. C'est quand même intéressant. Il y a le côté qui est bien, c'est que on peut jouer à ce jeu-là à 4 avec 3 autres personnes qui n'ont pas nécessairement le jeu, qui vont juste avoir besoin de télécharger. L'application comme telle pour jouer sur leur 3DS. Ça, c'est assez cool. Ça fait une couple de jeux qui a ça, tu sais. Puis ça coûte rien télécharger ça. Fait que juste une personne qui a besoin de la copie. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est gentil. Puis c'est ça, bref, les mini-jeux. Pour parler des mini-jeux, les mini-jeux sont quand même intéressants, mais il y en a beaucoup qui sont basés sur la chance plus que les skills. Okay. C'est plate, ça. Ça, j'ai trouvé ça dommage parce que quand c'est la chance qui décide, je veux pas, oui. Il n'y a pas une partie qui est pareille, mais c'est pas nécessairement parce que tu as joué le plus souvent que tu vas nécessairement gagner. Mais malgré ça, il y a quand même des bons mini-jeux là-dedans. C'est agréable, mais bizarrement, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comme de monter ton équipe, d'essayer d'avoir le plus grand nombre de personnages, de débarrer des personnages parce que t'en débarres tout le temps au fur et à mesure que tu vas faire ces niveaux-là. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce qui est le plus intéressant du jeu. Sinon, mis à part ça, t'as plusieurs modes en fait dans ce jeu-là. T'as un mode où tu ramasses des sous puis tu dois avancer sur un tableau, puis c'est en ramassant ces sous-là que tu vas pouvoir avancer. T'as un autre mode là-dedans que j'ai vraiment trouvé poche. C'est comme un espèce de jeu de rythme qu'ils ont décidé de mettre où tu décides de ton instrument, puis après ça, tu vas jouer une toune de Nintendo. C'est un petit peu inutile, mais ils l'ont mis là comme si c'était un gros mode, mais c'est un peu... c'est pas terrible. OK. Puis c'est ça, il y a un mode où tu montes sur une tour, puis t'essayes de te tasser, il y a des cases qui s'illuminent, tu peux tomber, assez ordinaire. Sinon, mis à part ça, ben il y a un mode où tu as les deux personnages qui vont se foncer dedans, les personnages des deux équipes. Il y en a un qu'il faut se rendre de l'autre côté, l'autre se rend de l'autre côté. Donc, c'est toutes des variations sur le même thème. Ben, franchement, c'est quand même toute la même chose. Le jeu le plus intéressant, c'est le mode normal dans lequel on commence au début, là, le mode de Toad. Fait que c'est quand même bien. Il y a aussi le support pour les Amiibo qui est là-dedans parce qu'il y a une nouvelle ligne d'Amiibo qui sont sortis avec le jeu, qui sont très jolis. Si tu mets ton Amiibo sous ton jeu, tu vas pouvoir commencer avec ce personnage-là, ta partie. Donc c'est bien, ça te donne un plus. Okay. Mais c'est ça. Moi, ce jeu-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. Mm-hmm. Tu vois que c'est comme si c'était une espèce de brouillon pour l'avenir de Mario Party pour le portable. Okay. Ce qui est intéressant parce que c'est vrai que c'est le fun de ne pas avoir à attendre après personne d'autre. Alors, niaiseux à dire, mais c'est vrai, là, ça a tout le temps été de même. Puis, tu sais, l'idée des équipes, d'avoir des Toads qui mènent une équipe, puis tout ça, un petit peu plus de stratégie, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'avoir ce côté-là. Mais sinon, côté mode et tout, côté mini-jeu, il y a quand même du travail à faire. Moi je pense qu'à ce stade-ci, Nintendo devrait juste sortir des best-of de leurs mini-jeux. Arrêtez d'en créer, ça sert pas à rien d'essayer de trouver d'autres idées. Il y a dû en inventer, je sais pas, moi, 500 les mini-jeux. À un moment donné, ça crée d'emploi, malade, ça, Bruno. Oui, je sais. mais ça serait malade une compilation mais des 100 meilleurs. Oui, exact. Mettons, tu vends ça 20$. Là, mais tu sais, regarde, ils le font pour Mario Kart. Fait que je comprends pas pourquoi ils le font pas pour Mario Party. Tu veux dire les meilleures pistes? Oui. Ils ont encore une mine d'or sous les mains. Là. Des fois, ils en recyclent des jeux d'un Mario Party à l'autre. Ouais, mais c'est pas exactement la même affaire. Il y a tout le temps une twist, il y a tout le temps quelque chose. Tu rejoueras jamais la même affaire deux fois. Puis je trouve ça dommage, en fait. Parce qu'il y en avait des super bons sur ceux-là qui avaient sur 64. Même sur ceux-là qui avaient sur Game Boy, il y en avait des très bons aussi. Fait que tu sais, j'aimerais ça, moi, qu'ils ramènent ça. De toute façon, pour toutes ces raisons, comme c'est inscrit à l'écran, même pas, non, je me trompe. Tu voyais le preview, regarde pas mon écran, regarde l'écran. C'est là. Ça, je lui donne un 3 sur 5. C'est un bon jeu, je pense que n'importe quelle personne qui aime Mario Party va avoir du fun avec ça. Mm-hmm. Puis je pense surtout que le fait de pouvoir jouer à 4 en même temps avec une seule copie peut être intéressant pour les familles qui ont des enfants, ça va être le fun. Moi, j'ai joué avec mon gars, j'ai eu bien du fun. Fait que c'est ça. Mais quand même, c'est le début de quelque chose de bien. Mais on n'est pas rendu encore. Alright. Ça manque clairement de Valnus dans ce jeu-là. Exact. Il ferait un hostie de ménage. Il réglerait tout. Aïe, aïe. Fait qu'on va faire une pause, puis on va revenir avec la discussion. De retour. Ouais. Yes. Fait que là. On a-tu des fun facts? Non, pas cette semaine. Jean-François. J'ai les ai, mais le visuel est pas fait. Fait que je vais les garder pour le prochain podcast. C'est correct. Bon. J'ai fait les visuels de la NES à la place. Pas de demi-mesure. Ouais, puis ça, bon ça a bien choix, sorti. Bon merci. Excellent. Ben, vu que ça s'en vient, on a décidé de parler d'impôts puis de REER. Ça va être fait. Ouais. Hein, là. Votre stratégie. Votre stratégie. REER, REEE. Faible risque. Haut risque. Ah, on parle de respect. Au risque. Mets tout là-dedans. Ah, Chris, mets tout ça là-dedans, je touche pas jamais. Fais de l'argent. Mets tout, vends tout. Ouais. Salut! Conseiller financier. Ouais, ah ouais, laisse le char rouler dans la côte. Y'en a-tu un podcast de conseil financier? Ouais, RZO. Ouais, y'en a-tu RZO, un podcast de. Je pense que oui. Me semble que oui. Colin. Wow. Je vais aller voir, hey, parce que me semble que. Je pense qu'il y a une section finance pour vrai. La saison des impôts. Mind fucking blown. Ça s'en vient, man. Ça, vous êtes à l'avance, là. Tu sais, quand même, l'année n'est pas finie. Ah, mais c'est bon de commencer à stresser avec ça, ouais, tôt. Ouais, ouais. Ça s'en vient d'être tout malheureux le temps. Pendant longtemps dans l'année. Exactement. Là, comme no rest. On a un podcast sur Azodo qui s'appelle Finance et Entrepreneuriat. Donc, c'est de l'argent sur leur logo. Fait que ça va parler de finance, voilà. Et d'entrepreneuriat. Allez voir ça. Allez voir ça sur RZO. Dans la section affaires. Oui, il y a une section affaires dans RZO. Nice. Il y a de tout. Hey, tabarnak, il y en a du stock. Mais quasiment à 100 podcasts en ce moment. Là. On est à 97, 98, ça approche le 100. Là. Il y a un podcast de sexe, là, Beauceron. Ouais. Ah, j'ai ri l'autre fois. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Sors-le. Puis, podcast de sexe Beauceron. C'est les douces folies de Nikki. Oui, puis c'est ça. Nikki, c'est une Beauceron, genre de Saint-Georges ou je sais pas quoi. Et puis, même plus loin que ça, Saint-Martin, je sais pas trop. C'est parti une business là, de soirée coquette, là, de vendage d'affaires de sexe, puis de conseils, puis tout ça. Il n'y a pas de fourrage, là, à ce que j'ai compris. Okay. J'espère, là. Je ne veux pas se ramasser en prison, tu sais. Mais il parle, c'est comme, waouh, OK, c'est la Beauce, là. Ouais. Tu veux savoir comment ça parle là-bas, t'écoutes ça. Là, moi, j'étais, oh boy, OK. C'est un party de clé. Pour ça que quand je retourne en Beauce, le monde trouve que j'ai un accent montréalais. Là, ouais. Et vice-versa, là. T'es comme un étranger partout. Exact. Comment tu te sens là-dedans? No home, man. Ouais, t'es pas chez vous nulle part. Je suis comme un fantôme qui flotte. Mais comme un drap au vent. T'es comme le petit Rémi, dans le fond. Toi, tu cherches ton chemin puis ta maison. Comme Patrick Swayze dans Ghost. Ouais. Comme un sac de plastique pogné d'un arbre. Ouais. Ça ressemble vraiment plus à ça. Tout le monde taillit. Fait que ce soir, aussi, on fait de la poésie aussi. Ouais, ouais. Ça sera fait en 12 vers. C'est la métaphore de ma vie. Si je sortais un album de musique, ça serait ça le cover. Fait que là, on a le titre de ma biographie, on a la tienne. Tu sais, il serait en 3D, puis il faudrait le tourner, tu sais, là, le sac bouge dans le vent, tu sais. Ah, une pochette holographique, ça se passe. Coûte cher. On va se faire un album compilation d'or. Ça serait bon. Wow. OK. Fait que, avec la venue de la NES Mini. On a passé à cette discussion-là. Les conséquences de la résurgence du rétro et de la nostalgie. C'est-à-dire, justement, les conséquences de tout ça sur la vente, l'achat, la création de nouveaux jeux, la vision des jeunes sur le genre, les coûts de production, l'influence sur les consoles next-gen, etc. Mais toi, justement, là, Dom, là. Oui. Je m'adresse à toi directement. Au père ou bien au collectionneur? au collectionneur. Ou bien au sac dans l'arbre. Le sac. Non, mais c'est ça. Tu trouves-tu que depuis les dernières années, la collection du rétro, ça a changé? Les prix, les conditions, l'engouement? Ben, l'engouement est fou. Les prix montent de façon fulgurante, là, année après année, toujours. T'sais. Moi-même, là, je regarde les jeux que je vais acheter demain. T'sais. Là, SCAT, le fameux SCAT. Ouais, ben oui. Ouais. Moi, j'ai acheté ça 100$ l'année passée. Chris, il est rendu à 200$. Là. Chut. Je suis comme, voyons donc, c'est donc bien aller vite pour SCAT. Là. Même Crystalis, là, il est passé de 10$ à 25$, là, tu sais, genre, en même pas un an. Là, bon, ben, regardez, oubliez les REER, achetez juste des jeux. Moi, là, si tu me dis, genre, acheter 10 paniques restaurants, là, genre, ou bien placer 10 000$, là, j'achète 10 paniques restaurants, c'est sûr, là, tu sais. Ouais. C'est du 35 ou du 40% annuel, là, tu sais. C'est crissement payant, c'est là, quand t'investis là-dedans à court terme, là. Puis on sait jamais. Ça peut planter aussi, on le sait pas. Mais c'est vraiment, ça, on se demande toujours jusqu'où ça va monter. Ben, non, tant qu'il y a du monde qui sont prêts à payer le prix, tu sais. Moi, j'ai acheté un Little Samson au-dessus de 1 000$, là, cette année. Puis j'étais assez cave pour le faire. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres plus caves encore qui vont. Ou non, mais je pense que oui. Ils vont être prêts à le payer 1 800 à un moment donné. 3 ans, ça, à peu près. Exactement. Fait que ça va bien vite. Ouais. Donc, tant qu'il y a des caves qui payent, ben, les prix vont monter. Oui. Donc, c'est ça. Excusez, j'avais pas le nez. Les allergies commencent à rentrer. On change de caméra. Mais, non, ça influence. Mais en même temps, tu sais, c'est proportionnel. Si tu revends tes jeux après les avoir gardés un an, parce que tu veux en acheter d'autres, whatever, ben ils ont pris de la valeur. Ouais. Fait que tu te casses pas tant que ça. Là. C'est juste. C'est un hobby qui est plus dispendieux qu'il l'était. Mettons. Ouais. Mais ça aussi, c'est que bien sûr, ça attire de la racaille. Là, puis il y a du monde qui s'en calisse des jeux vidéo et qui font semblant d'être ben ben des gros gamers là, puis qui ben ben connaissent ça parce qu'ils ont beaucoup de cassettes là, puis t'es juste des chairs là. Puis ces petits peddlers de pop-up là, t'sais, on en voit plein là, sur les pages. Fait que ceux-là sont pas très appréciés. Puis souvent, c'est beaucoup eux autres aussi qui fait que ça coûte cher les jeux, ou qui achètent des NES Mini. Qui en achètent 3-4 quand ils réussissent, puis ils remettent à 500$ la journée ça, même sur Kijiji. T'es jamais à l'abri de ça. Fait que c'est ça le danger de la popularité du rétro aussi présentement. Là. Ça fait mal au monde, tu sais, qui sont casual, qui veulent juste avoir du fun. Parce qu'il y a des pop-up, tu sais, qui abusent de ça, mais complètement, rien que pour faire la pièce. T'sais. Mais c'est fou, là, 5 ans, c'était tellement pas ça en plus. Là, c'était quand même. Pas que c'était pas accessible dans le sens qu'il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient de la collection, mais... Il y en avait nettement moins. Il y avait moins de monde qui collectionnait, mais aussi il y avait plus de jeux, c'était beaucoup plus facile à trouver. T'sais, moi, je me souviens même d'aller dans des pawn shops, il y en avait plein, des stacks de jeux NES, mon gars. Là, il y en avait plein. Il y a zéro, man. Je l'ai fait les pawn shops de temps en temps. Je passe devant. Si ça donne, je check dedans vite, puis je sors. Il n'y a plus rien dans les pawn shops. Puis quand tu y vas, il y en a justement. Ils ne sont pas à leur premier tango. Là, ils savent exactement combien ça vaut maintenant. Ils checkent tout ça du coin de l'œil. Ils rajoutent un 30-40% sur le prix. Mais tu sais aussi, c'est sur Kijiji. Le monde, c'est fou, c'est dégueulasse sur Kijiji. Puis c'est le stock ne reste pas longtemps. Il y en a qui passent leur vie à surveiller Kijiji. Moi, j'ai abandonné. J'ai pas le temps. Là, c'est sûr que je peux en manquer une shot ou deux là, qui serait pour être sur 100. qui pourrait être intéressante si le timing est parfait, que j'ai le temps. Puis que la personne se fait pas téléphoner par 12 autres gars pour se faire dire que genre je t'offre plus. Exact. Ça, des fois, ça arrive tellement souvent, la personne, elle sait pas trop, elle poste une affaire, là, soudainement, waouh, tout le monde explose. Oh shit, il y a un lot de NES avec un fucking jeu qui vaut 400$, puis le lot, il est 50$. Puis là, la personne, elle reçoit 12 000 téléphones, elle change son annonce, elle cancelle tout le monde. OK, mon lot est à 500 maintenant. Ça reste là, t'sais. Fait que, non, il y a bien du monde là-dedans. Bien du monde. Mais tu sais, une des affaires que... Qu'est-ce que ça l'a amené aussi, tu sais? Il y a une couple d'années, c'est pas nouveau, là, les consoles souvenirs. Il y avait les flashbacks, il y avait du Atari. Ça n'a jamais vraiment levé, ça. Exact. Mais c'est parce que c'était mal construit. Mais c'est parce que c'était comme un third party. Mais c'est pas Nintendo, non. Tu sais, t'achetais ça genre d'un... T'achetais ça dans une boutique, tu sais, il y avait Urban Outfitters, ils avaient les Cool Dudes, genre, dans un party, tu sors ça, là, tu joues deux minutes, là, c'est tout cheap, tu sais. Fait que avant c'était un peu ça, mais là, à cette heure, il y a un mainstream, tu sais. Il y avait des affaires, il y a beaucoup de gens qui ont posté, hey, Genesis aussi en a une. Ouais. Ben, Genesis, c'est encore un third party poche, c'est là, pas, mais c'est ça, c'est pas ces gars. Ben, c'est un produit correctement licencié que tu sors, tu sais. Tu peux pas arriver avec une TurboGrafx 16 et dire, hey, on va faire une TurboGrafx 16 mini parce qu'il n'y a pas de volume pour ça. Mais tu sais, Genesis, clairement, tu pourras avoir du volume pour justifier ça, tu sais. Fait que faut qu'il y ait un souvenir collectif que le monde veut le jouer. Puis c'est un peu ça. Le Nintendo, eux, il y avait les franchises, ils ont tout. T'as raison en disant qu'il y a peut-être un nouveau qui va s'en venir, tu sais. Ouais. Ils ont regardé l'appétit avec ça puis ils voient que c'est clairement là. Mais c'est parce qu'aussi, tu sais, Nintendo, c'est à peu près. C'est à peu près la seule compagnie qui a été capable de pousser le rétro, genre leur legacy, comme ils l'ont poussé, tu sais, comme Sony puis Microsoft jusqu'à récents, date. Là, ouais, non, mais c'est ça, mais même à ça, ils pourraient comme pousser ce côté-là. Comme, admettons, tu sais, Sony, là, ils pourraient en sortir, admettons, une PSX qui est genre une PlayStation mini que... T'as un mini DualShock avec, puis je sais pas, moi, t'as toutes les Spyro dedans ou quelque chose du genre. Ben, je pense que t'as moins de monde sur la Terre qui ont des souvenirs aussi intenses, tu sais, comme de la PS1. Ouais. T'as des bons souvenirs. Ouais. Mais, tu sais, Chris, Super Mario Bros, ça a changé le monde. Exact. Ouais, fait clairement. Que clairement, ça va chercher bien plus de monde. Là, sauf que c'est ça, là, c'est le fun, parce que j'ai l'impression que Nintendo, enfin, il y a quelqu'un quelque part à la bonne place qui est allé dire. Qui est allé dire au haut placé de Nintendo, hey, on est assis une mine d'or, guy, ok? Mais je pense qu'ils l'ont toujours su parce que, tu sais, leur propriété mais intellectuelle. C'était mal exploité, là, c'était pas assez out there pour tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde. Je pense que mais c'est t'as ça, raison. L'erreur. Mais tu sais, ils ont toujours été... ils sont un peu malhabiles avec les propriétés intellectuelles, tu sais. On a vu sur tous les médias sociaux, tu sais. Ah, mais... T'as-tu vu les tweets de Toad qui sont virés au désastre non, rapidement? Non, quand je te dirais que Toad, c'est l'année de Toad, ouais. Mais c'est ça. Là, Toad était en contrôle de Twitter. Il y a Eric Théroux qui en parle questions, ici, là, justement. Poser des questions à Toad, Let's il va vous répondre. Let's ask Toad sur ouais. Twitter. Let's ask okay, Toad. Mais c'est pas un, c'est un dude, c'est dans tout son le monde sol, répondait, ou... genre, pourquoi je suis toujours tout seul? Pourquoi ma femme m'a laissé? Là, tu sais, c'était juste des questions oh déprimantes. C'est triste. T'as Toad qui est comme, hey! C'est ça. Shit. Pauvres autres. J'aurais dû engager la personne des médias sociaux de Ricardo à. Tu sais, il y a une page Facebook, là, passif-agressif. Ricardo. Oh, man. Je pourrais passer la journée à lire ça. C'était bonjour, je fais une tarte à la farlouche. Est-ce que je peux remplacer la farlouche par du miel? Non, c'est une tarte à la farlouche. C'est excellent. Allez voir ça. C'est carrément. Mais par exemple, ça a du bon parce que. Parce que ça unifie les gens. Ouais. Il y a une résurgence. Résurgence. Ouais. Résurrection. Résurrection. Tous ces mots-là, ça des affaires le fun comme les arcades, les bars ouais, arcades. Et exact. Puis, moi, c'est bon pour le business, là, tout ça. Ouais. Là, ouais, le rétro est à la mode aussi. Là, ben oui, moment. Le monde, ils viennent chez nous. Toi, la nostalgie, c'est une vache que tu veux traire. Ouais. Ouais, mais j'ai pas commencé là-dedans en voulant faire une joke. Là, tu voulais juste plugger traire une vache dans le podcast, c'est fait maintenant. Ah, je trouvais pas ça si vulgaire. Mais non, mais ça en fait, bien. C'est ça. Mais on vit, là, tu sais, si tu regardes les shoes, c'est pareil. Là, ouais. Les Vans, c'est des vieux modèles. Les exact. Nike, là, ouais. C'est tous les vieux modèles. Le rétro dans ouais. Tout, en le, fait. Le rétro dans tout revient tout le temps. Ouais. Je pense que le monde a juste puis plus même c'est fini. Ben, ils disent non, que mais... la mode des cycliques, ça va pour les tendances. C'est vrai. Aussi, ouais. Le gaming. Les c'est jeans Toyota très hautes qui reviennent. Ah ouais, les mom's jeans. Les mom's jeans. Puis tu sais, le pire, on trouve ça comme nice. Quand c'est bien porté, c'est comme cool. Fashion, tu sais. Oui. Regarde ça, il y a genre 8 ans, c'est « Ah, mais quel guenille, mais ça, ah ouais, wesh! » Là, cette heure, on achète ça à 100 piastres, puis on est comme « Ah! » Quand on a un tour des cotons, ouais, il y avait des sketchs de Saturday Night Live sur les mom's jeans, tu sais. Ah ouais. Obama était accusé d'avoir des dad's jeans aussi. Ah. Fait que dans 3 ans, on va tout avoir des jeans hautes avec exact, des longues poches, tu sais, hey. Avec des fesses de... genre, on tourne avec nos kiwis dehors. 20 pouces de fesses. Ah, des kiwis, man. Ça coûte cher, ça, à cette heure. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, c'est revenu en force. C'est débile. Ah, fait que la nostalgie, ça vend bien. Ça, ouais, mais... ça vend. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que dans le Next Gen aussi, ça a quand même influencé beaucoup de développeurs. Beaucoup de développeurs font des jeux style ou look rétro. Exact. Des affaires là-même. Sur Steam, il y en a énormément. Ouais, c'est ça. Les indies sont là-dedans à fond. Non, puis c'est le fun dans un sens parce que ça permet aussi de faire des jeux qui n'étaient pas possibles avec les machines dans le temps. Ouais. Puis que là, au moins maintenant, ben Christy, tu peux faire tout ce que tu veux juste avec cette esthétique-là. Puis là, tu as l'essence du rétro pareil. Ça, ouais. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Non, c'est le fun. Moi, ça me plaît. Puis j'aime ça qu'il y ait des styles qui soient exploités puis surexploités. Puis ouais. comme le Metroidvania, tu sais, ouais. Puis il y a des affaires de même, parce qu'ils en font beaucoup, beaucoup. Trop, diront certains. Mais à travers de tout ça, il en sort des tannants de bons. Là, ouais. Donc, ça donne, au volume, ça donne des petits bijoux. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qui est le fun. Mais, ouais, vas-y. Non, je disais juste, tu sais, si on revient, mettons, à la NES Classic Edition, ouais. Là, je pense que c'est ça, c'est Retro Warrior qui disait qu'il vend plus de NES que ben oui. Qu'il a jamais vendu dans sa vie. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a une demande de fou. Le monde t'sais, trouve ça beau, c'est cute. Puis là, c'est sûr que 30 jeux, t'sais, à un moment donné, peut-être qu'il y en a qui veulent aller chercher plein d'autres titres. Là. Exact. Ça crée un nouveau vent. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont avoir leur première expérience avec la NES Mini. D'ailleurs, t'sais, quand tu vends 1000$ ta NES édition... Classique sur Kijiji, tu te fais insulter parce que c'est un jouet d'enfant, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous avez lu les. Il y a des enfants qui étaient sortis de commentaires de sales resellers, tu sais. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'il y a des enfants qui vont toucher à ça, puis c'est simple, assez simple pour que tu sais, ils peuvent avoir une belle expérience, puis peut-être qu'eux ils vont se lancer là-dedans. Là. Mais moi je suis surpris de voir à quel point il y a du monde qui sont comme flabbergastés de voir ça, ils sont comme. Mario! Hey, on a-tu passé du temps là-dessus? Ouais. Aïe, aïe, t'as comme pas revu ça depuis 20 ans, toi? Ouais, mais c'était même pas sur la page c'était d'Arcade Montréal, t'sais. Des fois, je poste plein de jeux, ouais. Genre, au mercredi finissant cette semaine, tel jeu, Battletoads. Là, du monde, holy shit, Battletoads, t'en rappelles-tu? Tu sais, moi, ouais. J'ai comme la face là-dedans tout le temps. Ouais. Je peux pas, j'ai de la misère à concevoir qu'il y a du monde qui avait oublié. Mais il y a du monde, c'est pas leur quotidien aussi. Puis ils vont, ouais. Même il y a du monde qui sont jouent ailleurs jamais, dans la vie, qui ont jamais rire. C'est joué ça. À des moi, jeux j'en connais du monde comme ça, qu'eux autres, ils jouent jamais, jamais, jamais. Puis là, genre, je dis, hey, le dernier Uncharted est vraiment bon. Ah, oh, si, Uncharted, hey, j'avais joué au premier, j'ai mon cousin. Ouais. C'était vraiment bon. Puis là, j'ai OK, puis t'as-tu joué depuis ce temps-là? Non, non, j'ai joué chez mon cousin une soirée. C'est quoi le jeu de boxe? Ça non, zone, ça Nintendo, là. Punch-Out. Ouais. C'est ça, Punch-Out! Ah, oh, j'avais oublié ça. Aïe, c'est quelque chose de commun, tu sais. Exact. Mais c'est la réalité, tu sais, si mettons, qu'est-ce qui serait passé dans ta vie si ta mère aurait vendu ta NES à 12 ans, tu sais? Ouais. Tu n'en aurais plus jamais eu, puis là... T'aurais fait des trucs d'adulte, genre. Ouais, t'aurais commencé exact. À jouer de la guitare à la place, tu sais. Ah ouais. Là, c'est comme. T'aurais pris un autre tangente, tu sais. Fait que. Non, c'est ça, moi j'ai un collègue, c'est ça, quand il était jeune, il avait le choix entre acheter une Nintendo 64 ou pas en acheter une. Il en a pas acheté, puis à cause de ça, il est jamais resté gamer. Il s'est acheté un scooter à la place. Ouais, t'sais. Genre, il a fait d'autres choses de sa vie. Embarquer des chicks. Mais allô, c'est ça pareil, ça? Je pense qu'il y a du monde qui a juste décidé l'autre côté, tu sais, nous autres... Tant mieux pour eux autres. Ah ouais, tant mieux pour eux autres. Cher, ils ont plus d'argent. Ils sont probablement couchés à soir en train d'écouter une émission, ils sont bien plus relax. Exact, puis ils vont entendre notre podcast dans 3 mois. Mais tu sais, c'est... Où sont les dettes de drogue? C'est quoi le nom du podcast? Rétro Nouveau, man, c'est ça! J'avais oublié! Ah, ça existe. Mais en tout cas, moi, je suis bien content que le rétro revienne. Ah, ouais, moi aussi. C'est le fun, c'est des bonnes nouvelles. Ben ouais. Ouais, parce que. Je me rappelle même, tu me disais ça dans le temps. Tu sais, mettons à Monsieur Net, là, ça parlait pas bien de rétro, tout ça. Puis là, j'étais comme, ah, Chris, j'aimerais ça faire du press, essayer de rentrer à Monsieur Net, parler de rétro, tu sais, ça serait. Ah, moi, le fun. J'aimerais ça en maudit, c'est la salle qui est rentrée à la place. Ouais, c'est ça. Ben, tu me disais, Denis, tu sais, Denis, il est pas bien dans le rétro, tout ça, tu sais, fait que ça marchera pas, tout ça. Ben, anyway, j'ai pas. J'étais occupé, j'ai pas fait de press, j'étais allé au Funzo à la place, j'ai fait des parties. Exact. Mais, tu sais, à cette heure, je veux dire, c'est partout. On dirait qu'à cette heure, le monde du jeu vidéo, dans sa totalité, inclut le rétro, pas le choix. Parce que c'est une masse, et puis c'est même les nouveaux jeux, ils sont un peu rétro, tout ça. Donc, ça fait partie de tout, là, tu sais. Mais t'as quand même une bonne gang de gens qui jouent juste Next Gen, puis qui ont rien à foutre, puis qui savent même pas le rétro, que c'est encore à la mode, probablement, là, en ce moment. Mais il y en a aussi qui sont Next Gen, mais qui font les deux. Et c'est ça. C'est ça l'affaire. Là, tu parles de, mettons, PC Master Race. Mettons, là. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, je pense que ce qui s'est passé, c'est le rétro, il fait partie du geek culture, là, qui est comme. Tout le monde sont sortis de leur sous-sol, tu sais. Ah, ils ont lâché leur dé à 10 faces, tu sais. Ah, ben, les geeks ont été sortis, genre, de. Tu sais, le dos croche, puis des mains toutes oranges de Doritos, des sous-sols, puis des petites chambres, des garages, puis tout ça. Fait que là, tu sais, à ce heure, c'est assez mainstream. Tu vois même du monde par rapport que tu vois qu'ils ont jamais gamé ou slash fait une affaire geek de leur vie. Ils ont un chandail genre « I am geek ». Super cool, là, je suis comme « non, les jeux, ça marche pas, c'est qui le cave. » C'est ça, ils ont des grosses lunettes, je suis comme « non, man, non ». Mais ça m'écœurait quand je voyais ça au début, tu voyais ça sur Internet, il y avait plein de monde qui dénonçait ça, genre, parce que t'avais comme une chicks avec un chandail, genre « I also play video games », tu sais, puis elle était super hot avec un chandail beden en bobette, c'est comme « c'est pas ça, un geek, tu sais ». Tout le monde était super fâché, puis ça, il y a eu aussi, il y a eu, tu sais, il y a la résurgence du rétro, mais aussi de la geek culture, puis ça, c'est devenu comme à un point où là, on est rendu comme de l'autre bord, genre là, c'est juste rendu exagéré. Ça a soigné, là. Les geeks les plus épouvantables du monde sont tous ressortis, là, le monde qui, justement, ils vont te niaiser à la limite si t'as pas lu le comic de telle affaire ou si t'as pas joué à tel jeu ou si t'as pas vu tel film. C'est genre, t'aimes pas les Avengers! Ça, c'est comme, ça a fait ressortir aussi toute la merde. Le comic book guy des Simpsons. Ouais, exact, le comic book guy des Simpsons est sorti aussi. Fait que, t'sais. Ben, je trouve ça correct, par exemple, moi, parce que ça justement, maintenant, ça fait partie de la grande famille qui est la communauté, tu sais, de la vie. C'est ça que ben, tout le monde peut s'exprimer. Là, mais c'est plein parce que trop ça... de films de X-Men on, pis de Avengers, ouais, on s'entend. Là, t'sais, abusé. T'sais, Marvel, tabarnak, slacké. C'est dégueulasse. Non, moi, je ne suis plus. Là, c'est un par année. Là, ah, puis ça, c'est sans compter, mettons, Luke Cage sur Netflix puis les affaires-là. Ouais. Mais comme je t'ai dit l'autre jour, Dominique, là, ça a donné naissance, il y a quelques années, aux Douche Geeks. Ouais, ouais, les Douche Geeks. Les Douche Geeks, là. Ça, c'est une plaie en tabarnouche. C'est une fusion, ouais, ben, c'est la, comme c'est la crowd du Nacho Libre. C'est un peu, là. C'est comme un douchebag, mais que lui, il trippe sur Mario ou trippe justement sur des affaires plus geeks, sur la pop culture, tout ça, mais qui est douche. Ouais, moi, je trouve ça correct. Existe, non, mais c'est correct parce que, tu sais, enfin, tu sais, ce que ça a donné, c'est il y a un exposure. Je pense que c'est positif pour. Ultimement, n'importe quoi qui spin autour de l'industrie geek. Là. Que tu dis du comic book, tu sais, Walking Dead, c'est un bel exemple de un comic book de nerd là, qui est devenu une affaire mainstream. Il y en a qui sont fâchés de ça, par exemple. Mais c'est sûr, là, tu sais, le film de Scott Pilgrim, tu sais. Ouais. Oh, c'était bon. À l'époque, il y a un gars qui capotait, tu sais, il y avait tout lu. J'avais aucune idée c'était qui Scott Pilgrim. Je dis, ouais, hey, le film est bon. Il y a un comic book! Ouais, c'est sûr. Ça, moi, c'est présentement, ça arrive là, avec. Tu sais, comme là, il y a Fantastic Beasts qui est sorti. Là, fait que tous les geeks de Harry Potter capotent leur vie parce que c'est sorti. Puis c'est comme, ah, mais ça sera pas pareil. Ça va tout fucker ce qu'il a fait avant. Mais c'est correct, tu sais. Mais c'est drôle que ça soit ça maintenant, les crises qu'il y a dans nos entourages, tu sais. Ben, c'est ça. Quand j'étais jeune, moi, c'était comme si t'aimais pas le hockey, ben, il y avait rien d'autre, en fait. Là. C'était fini. Ben, il y avait le motocross. Ouais, il y avait le motocross. Puis le kickball. Ah, ouais. Maintenant, tu peux être sur le Manic de Montréal. Omnikit! Omnikit bleu! Ouais, c'est un peu guédé, ça, Omnikit. C'est le fun. La machine. J'ai jamais joué. Ouais, la machine de Montréal, c'est vrai. Tu là-dessus. Ouais, ouais, moi j'aimais bien. C'était beau, leur logo. Ouais, leur uniforme était beau. Ouais, j'aimais ça. Ligue mondiale. Ouais. Quelle mauvaise idée. On va jouer à Barcelone un soir, puis le lendemain, t'es à New York, tu sais. Come on. Nope. Mais c'était une fois par semaine, mais bon. Mais c'est vrai que ça a changé, puis que là, au moins, ben, tu sais, si tu dis que t'es geek, le monde va juste faire, ouais, puis. Exact, on s'en calisse que tu sois geek là. Ça parce que c'est rendu la masse en fait. Ça prend quelque chose de nouveau, tu sais, genre. Ouais. Probablement. Ben là, ça va être la nation Trump là. Oh. Les imbéciles. Oh. Les imbéciles, sauf qu'ils vont peut-être avoir une NES Mini chez eux. Hey man! Mario Bros! Hâte de voir ça va changer de quoi ça, c'était Trump. C'est clair, man. Ouais, ça va changer de quoi? Tous les prix des jeux vont tous monter. Je sais pas, hein. Ben attends, le dollar américain, man, là. Ça va faire mal sérieux crise, pour le prix des jeux. Je pense que ça va pas. On va voir. Ouais, mais c'est pas fait, là. Il est pas au pouvoir. Mais quand il va être au pouvoir, moi j'ai vraiment l'impression. Ben, il est pas mal au pouvoir. Je pense pas que c'est le dollar américain qui va monter. Pouvoir, il est pouvoir, il en va janvier. Endetter le pays beaucoup en plus. Janvier, ça, en janvier, ça va. Il passe les dossiers. Là. Ouais. C'est en janvier que tout pète. Faut qu'il regarde Obama travailler et dire ah non, faut voir que je travaille moi aussi. Ouais, c'est ça. Colin. Ouais, exact. Shit. Mais non, moi je pense que ça va avoir quand même un impact sur le coût des jeux puis de ouais, tout ce qu'on ça a un impact sur l'argent, la bourse, c'est là que l'impact va être. Ben, s'ils renégocient l'accord de libre-échange, ça peut nous donner un hit au Canada et notre dollar va baisser. C'est pas l'Américain qui va monter, là, parce que pas avec ce qu'ils planifient. Non, non. Mais là, on est rendu... Parce qu'ici, de base, tout est comme les jeux, c'est souvent 10$ de plus, puis le hardware est souvent 20 à 50$ de plus. Ouais, ben c'est une espèce de calcul approximatif coût de la vie versus dollar canadien. Là. D'habitude, c'est pas pire, honnêtement. Ouais. On est habitué de payer plus cher ici. Notre console est plus chère, le char est plus cher. Hey, c'est vrai, avant que j'oublie, Sony Canada m'a envoyé un communiqué. Oh. Il y a un deal présentement du 24 au 28 novembre, la PS4 avec Uncharted 4 et 329$. C'est vraiment un excellent deal, là, partout, sérieusement. Ouais. Si vous avez pas de PS4, Black Friday, c'est le temps de vous empoigner. C'est pour les vendredis. Fou. Ok, excuse-moi, faut dire demain. Et vendredi, la New 3DS va être à 139$ chez Best Buy, cool, qui vient avec Super Mario 3D World, je sais pas quoi. Là. Ouais. Déjà d'installer dans la console. Là. Ouais. Je l'ai 200 en ce moment, celle-là. Mais ça, c'est ce vendredi. Je vois ce vendredi, Black Friday. On n'a pas de 3DS, Jeff? J'ai une DS Lite. C'est le plus haut que t'as, ça? Ouais. T'as pas de 3DS? Non. J'étais sûr que t'avais une 3DS. J'ai passé proche d'acheter une, puis finalement, non. Fait que là, j'ai pas. Ben, fait t'attendre le cinquième modèle. Voilà. T'as-tu la Vita, toi? Oui. Ok. J'ai fait mon choix, puis je me suis trompé. Non, pour vrai, je regarde pas. Juste pour avoir joué à Tear Away, ça valait la chose, la console, ce jeu-là. C'était excellent. Ah non, mais il y a encore des bons jeux sur la Vita, c'est juste qu'il y en a pas plus. On a arrêté. Moi aussi, j'avoue que j'ai arrêté, mais je vais peut-être refaire Slane dessus. Parce que Slane est sur PS Vita. Dumb. Je sais. Mais c'est pas grave, je vais jouer sur mon ordinateur. Sérieux, je m'ennuie zéro de ma Vita. Non, je pense, c'est good job. Eric est content. Moi, je joue plus à ça. Je te comprends vraiment. Ça prend moins de place. Puis j'ai eu le prix que j'ai payé. Puis j'ai eu mon fun. Fait que that's it. Ah non, ben, moi j'ai eu du fun. J'ai eu beaucoup de plaisir là, à jouer à fucking Hotline Miami. Là, ça, mais moi, capoté. S'il y a un gros revirement de situation, je sais pas pour une raison X, Sony décide d'investir là-dedans. Non, ça arrivera non pas. Que... Mais c'est sûr si, que non. C'est sûr que non. Ça arrivera pas. Tu sais. Hey, ça serait il en parle même plus. Décision. Non, c'est sûr. Si tu veux, ça fait comme des années que j'essaie de relever le flambeau. Genre, de lever le seul. 6 mois, tu vas pouvoir acheter le domaine. Tu sais, genre, acheter le ça va être Bruno qui qui va rediriger par retronouveau.ca. C'est ça. Ouais, ça serait où est-ce qu'on vous rappelle qu'il y a plein d'archives? Tu sais, les 7 personnes qui vont aller frapper le nom de domaine, genre tchouf, on les ramène direct chez Retronouveau. Ça serait génial, ça. Crime. Ouais, ouais. Il y en a quelques-uns. Bruno, t'es passé de Vita Lova à Vita Aita. Non, je suis pas un hater, t'es juste déçu. Je suis pas un hater, mais j'avoue que là, il n'y a plus de batterie dedans, puis ça fait un bout de les pas recharger. Ouais. Vraiment, je suis triste. As-tu réclamé tes jeux gratuits ce mois-ci? Non. Bah, moi non plus. Fait qu'il faudrait. C'est... Non, là, c'est ça, bon ça reminder, va mal. Là. Ouais, c'est ça. Ça va mal. Je pense que je vais l'ouvrir en arrivant chez nous. Ouais. Mais rien que pour voir. Ouais, rien que pour voir. Refermer ça 2 minutes après. La rouvrir, faire comment. Tu vas pogner le jeu, tu vas sacrer. Je fais ça avec ma 3DS, moi, d'ailleurs, présentement. Là, ouais. Je joue plus. Je joue avec ma DS. Je joue à des jeux de DS présentement, mais 3DS, j'ai rien acheté, là. Je sais pas. Ouais. J'ai pas. Rien que m'appelle. Ouais, hey, d'ailleurs! Critique éclair, parce que je ferai pas une critique vidéo de ça, mais sur 3DS, il y a un jeu qu'on a reçu, qu'on a joué, c'est Pirate Pop Plus, qui est un tout petit jeu. C'est un jeu qui a l'esthétique d'un jeu de Game Boy, puis vous pouvez acheter ça sur la 3DS ou sur la Wii U. Puis c'est un jeu où tu as 4 murs, 4 côtés, puis tu arrives en bas, puis tu lances des ancres vers le haut pour péter des bulles. Ça a l'air le fun. Le carré va tourner, fait que toi, tu vas changer de bord, puis en fait, la gravité va changer, puis il va falloir que tu frappes encore des bulles. Ça a l'air super simple, mais ça monte, puis c'est difficile. C'est vraiment un jeu qui aurait pu sortir sur un Game & Watch, admettons, là, ouais, ouais, puis ça aurait ça. Été vraiment écœurant. Fait que c'est ça, ce jeu-là est sorti sur la 3DS, sur la Wii U. Il est vraiment pas cher, je le conseille vraiment à n'importe qui. Allez acheter ça si vous voulez avoir votre fixe de Game Boy. C'est vraiment un incontournable. Malade. Super le fun. Rappelles-tu comment ça coûte? Un petit jeu arcade. Pirate Pop Plus, ça coûte environ 3$. Je pense qu'il est 3,49$. Très abordable ça pour m'intéresse. Les gens à la bourse serrée. Oui, les petites bourses bien serrées. Les petites bourses, là. Ouais, on pense à eux autres. Faut pitié, c'ti. Eux autres pis Valnus. Il est hot Valnus, man. Il est écœurant Valnus. Hey Valnus là c'est. Oh, on va le voir Valnus. Je vous le sors, je vous le sors. J'aimerais ça avoir un poster de Valnus avec l'autre là, notre chum de l'autre épisode là. C'était pas son nom. Ferdinand Social. Ferdinand Social. Ah man, ça c'est. Deux chums de boisson. Team de feu, tu sais. Valnus et Ferdinand Social. Des chums de brosse. Ah ouais, tu sais. Une table pour deux, s'il vous plaît. Pendant que Dom cherche l'image de Valnus, mes prochains oui. Let's Play seront oui. Snow, que j'ai loadé. Ah, ben, quand puis j'ai deux autres jeux louches dans le pipeline. Ouais. I Am Bread, ah, qui oui. Une petite tranche de pain, ça a l'air vraiment excellent. Ouais, je suis pain. Ouais, je suis une tranche de pain, ça a l'air bien. Puis j'ai Surgeon Simulator à faire aussi, que j'ai oh, pas nice. Mis. Ouais. Ça, là, j'ai vu des Let's Play de ça. Ça, c'était le fun. Moi, le gars, il opérait Donald Trump en plus, fait que ça a l'air incroyable. On dirait que c'est comme fait pour pas être joué comme du monde ce jeu-là. Ah, ça va pas très bien. La gravité est weird. Tu contrôles mal tes membres, là, tu vois. C'est... Fait que c'est mes 3 prochains Let's Play. C'est non seulement drôle à jouer, mais à regarder, c'est tordant. Et ça va être sur notre Facebook Live. Ça va bien sortir. C'est tough. Fait que ça, c'est Valnus. Il est comme un robot comme ça. Oui. Je suis un peu déçu. On dirait un vase. Ben là. C'est vrai, hein. Mettons, ça, c'est la forme. Là, ah le jeu, oui, là, oui. On la caméra. Ben ouais, je vais montrer le dessin, là, qui est sur la pochette, en fait. Ça, c'est Valnus. Attention, le poste que je vais te faire. Là, t'es trop proche. Un peu. Ça a l'air d'un vase. Avec la toune, c'est parfait. C'est arrive. Ça, c'est qualité. Recule un tout petit peu. Un excellent moment en audio, en ouais, plus. Ouais. Ouais. En audio, c'est malade. C'est pour ça qu'on vous rappelle d'écouter Retro tape Nouveau sur l'écran. En vidéo. Sur YouTube. ou sur Facebook Direct. C'est vraiment génial. Où t'as des moments comme ça trop. Où Dominique essaie de montrer une image. La prochaine fois, j'allais gérer la mettre directement à l'écran. Ouais. Pendant. Mais elle pas averti qu'elle allait avoir du Valnus. Hey, c'est un vase blanc et rouge. Jack, ça, c'est Valnus. Ça, c'est l'homme gay de 60 ans. Wow. Tu sais, quand t'as tout à la même place. Là. Il a l'air violent, par exemple, le vieillard. Ouais, il est pas bien. Écœurant. On le voit super bien, Dom. C'est pas pire, hein, tu sais. On voit une belle tache blanche, c'est cool. Ah ouais. 2016, ben là, qualité t'as rien visuelle. Qu'à arrêter d'acheter de la marde comme caméra. C'est ton écran. Envoyez-nous vos dons parce que j'ai des nouvelles caméras. Même petit papier sablé par dessus ouais. ton iPhone. Hein. D'ailleurs, faut remercier nos Patreons encore une fois. Là, oui, qui nous merci aident beaucoup à tous. À changer les fils qui brisent de temps en temps. Là. Oui, mais hein, Colin, on a besoin. On est en train de se faire préparer une montgolfière rétro nouveau. Là. on est au stade de la couture présentement, de la grosse toile. Non, mais on check pour vrai pour quelque chose de spécial pour les Patreons pour remercier le monde. Là. Oui. On n'est pas décidé encore sur un concept, mais on prépare quelque chose, ça semble. Exactement. Là, vous incitez à nous donner. Il y a aussi une nouvelle pièce. C'est les collants du WEC. C'est les collants du WEC. Non, j'avais envie de l'enlever. Tu peux l'enlever. Mais il y a aussi une nouvelle pièce de merch pour Rétro Nouveau qui s'en vient. Ah oui, c'est vrai. Il reste des petits détails à fignoler. Ouais, il reste des détails à fignoler. On pourrait peut-être l'annoncer directement à un moment sur le podcast en visuel. On le montrera là. On déclenchera un flow d'achat fou après ça. Mais oui, hey, Colin. Une machine à sonder, Rétro Nouveau. Oh! On pensait qu'on avait discuté. Un biscuit à biscuit pour enfants, là. Tu sais que t'es pas capable de sortir ce petit biscuit Rétro Nouveau. Avec une ampoule qui vive chauffe. Vive le rétro. Ouais, c'est l'ampoule qui chauffe. Ça fonce. C'est vraiment pas d'enfant à mettre le feu, ça. C'est clairement parfait. Pas, ouais, c'est ça. Class action contre nous autres. Betty Crocker, ouais. Esti. Betty Crocker. Petit. Ah, c'est ça. Betty Crocker. Là, dans le fait fond, là, ça m'a intrigué tout le long. T'sais, tantôt, on a parlé, t'as à peu près la même grandeur ouais, que la slot. Là. Si Dom essayait de rentrer un dans l'autre... Ben, moi, je pense que si je rentre le NES Mini moi, dans le gros NES, on va se ramasser dans un genre de Twilight...